peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré de Fred Savard. Bonsoir. Olivier Niquette. Salut. Jean-Sébastien Girard. Ah, mon bon Jean-Philippe. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Hey. Ah. On prend un grand respire parce que ça va être notre nouveau chez nous, messieurs. Oui, c'est vrai. Et c'est votre nouveau chez vous aussi. Enfin, on fait de la vraie radio enfin. À la soirée. Oui, et je ne serai plus au téléphone, Jean-Philippe. Ah. Je serai ici physiquement avec vous. Quel bonheur. Non, non, mais ça a des avantages, honnêtement. Mais lesquels? Enfin, bof, on les nommera pas. Votre mère est ici, ce serait c'est pas vrai. Et pour ceux qui nous ont suivis dans les dernières années et qui viennent nous voir à cette heure-ci, ben, c'est sûr que ce sera un rendez-vous qui va être un peu différent. Un peu. Le 5 à 7, le samedi et le dimanche. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas et écoutaient le 5 à 7, le samedi et le dimanche, ben ça va être un rendez-vous un peu différent aussi. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et la première chose qu'il faut dire, hein, parce qu'on va se dire les vraies affaires mm-hmm. ici, là. D'ailleurs, on va toujours se dire les vraies choses à la soirée, encore jeune. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Tout à sauf fait. Des fois. Pas de oui, sauf des fois. Une fois au chalet. On va se dire les vraies choses. On remplit de très gros souliers oui. hein, les oui. samedis et dimanches de 5 à 7. Ceux du très honorable Jacques Bertrand, qui est une légende vivante et qui nous a beaucoup inspirés. Là, je parle pour moi, oui. Parce que c'est pas une blague. Moi, j'ai commencé à faire de la radio à Macadam Tribu. Eh ben. Ah. Ouais, ils étaient très indulgents à l'époque. Vous faisiez quoi? Des petites chroniques drôles. Hein? Ah. Oui, oui. J'en garde aucun souvenir. C'est correct. Non, non, il était très indulgent. Alors, toujours est-il que pour Jacques et pour ceux qui l'écoutaient depuis des années, on va essayer d'être à la hauteur oui, à la soirée oui. encore jeune, oui. Les samedis et dimanches. Alors, soyez justement indulgents, comme il l'était avec moi. Et on se donne à peu près 2-3 semaines, puis on va être à bon. Peu près, hein? Oui. C'est à peu près ça? Oui. Alors, messieurs, on commence l'émission. Tour de table, évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait de notre été? Ah. Y a des gens qui pensent qu'on passe tout notre temps ensemble. Ce n'est pas vrai. Non. Hein? On s'est séparés. On a passé... Ce sont de longues saisons radiophoniques à Radio-Canada. Oui. Alors, quand on peut prendre une petite pause chacun un de l'autre, là, en tout cas, moi, c'est ma position. Vous êtes venu à aucun party. Hein, aucun. Okay, non. Alors, vous avez passé un bel été, Fred? Oui, oui, je suis allé en Haïti. Oh! Et je vous arrête tout de suite. C'est en tant que touriste et non pas en tant que coopérant international. Je n'ai pas le visage de l'UNESCO. Ni le cœur non plus. Et le cœur non plus. Ouais. Et ça a été un voyage pas facile, on doit se le dire. Mais j'ai quand même. Il y a certains points communs avec le Québec. Premièrement, les routes sont très belles comparées ici. Et ça, c'est étonnant, je sais. Oui, il y a eu un tremblement de terre, mais si vous sortez de Port-au-Prince et si vous allez à Jacmel, par exemple, ouais. c'est étonnant comment les routes. C'est une blague? Non, non, c'est pas une blague. Okay. Ça m'a frappé. Et l'autre point commun, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de créoles, comme ici, là-bas. Ouais, de plus en plus, sauf que là-bas, c'est moins l'anglais qui... Vous parlez de la langue française. Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais. tout à fait. D'ailleurs, hier, j'étais dans un bar en train de préparer des textes pour ce soir. Je travaille beaucoup dans les bars. Il y a deux jeunes garçons de l'Abitibi qui parlaient en anglais entre eux. C'est pour vous dire que où on est rendu. Mais c'est cool de parler en anglais, Fred. Oui, peut-être. Enfin. Ouais, voilà. Alors, c'est votre été? Mon été. Je suis allé à Chicago aussi avec mon garçon. Ah, d'accord. Mais c'est si merveilleux. Beaucoup oui. d'anglais là-bas vous aussi. Savez, ça me fait penser aux chroniques dans la presse de cet été où est-ce qu'on savait des histoires d'été de tous les chroniqueurs. Oui. C'était bon. Jean-Sébastien. Bel été de mon côté aussi. Ah oui? Ouais, j'ai passé mon été en bédaine dans mon appartement sur Facebook. Ah. Le petit train-train quotidien. Le quoi. Petit train-train quotidien. Ouais. J'ai découvert une page Facebook durant ouais. l'été. J'avais envie de la partager avec vous. Évidemment, là, les gens vont dire il est de mauvaise foi, il est donc bien pas fin. Ouais. Mais c'est tout à fait vrai. J'ai découvert la page Timé Paré, trait d'union. Personnage public. Évidemment, c'est une page qui va paver la voie à l'arrivée du fameux talk show de Timé, quelque part en janvier oui, l'année prochaine. Théâtre, bon, évidemment, on le sait, à la soirée est encore jeune, on était un petit peu détracteurs de ce projet-là l'année dernière. Oh! C'est un euphémisme. Ben, on questionnait, on se disait que c'est encore pertinent. Ben oui. Mais en lisant les statuts Facebook cette année de Timé Paré, j'ai compris qu'on avait tort et qu'on allait sûrement avoir droit à une super émission à partir de janvier prochain. Et durant l'été, j'ai recensé les statuts les plus comiques qu'on trouve sur cette page-là. Oh, allez-y, j'ai allez-y. Envie de les partager avec vous. Ben. Vous voir, il est extrêmement tannant, Timé. Et le public aussi ouais, répond, ouais. Le party est pogné. Alors, la première que j'ai voulu retenir, une question me vint à l'esprit, deux points. Qui devrais-je inviter au Timé Show en premier? U2 ou Adèle? Point d'interrogation. Ça, c'est très drôle. Ouais. J'ai peur qu'en inviter un va blesser l'autre. Ah, c'est drôle de... Ben on, ouais. on accorde mal le français, là. 526 likes, oh. Et là, les gens répondent toutes sortes qu'est-ce de choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par likes? C'est j'aime. Ah, des j'aime. L'interface okay. anglophone de Facebook est beaucoup plus cool. Ouais, okay. Bon, alors, les gens répondent, ouais. Mais la famille Paris, voyons. Quelqu'un d'autre qui dit aussi, on veut voir maman et sa dinde MDR. Invite ton ami Pogo, elle ou elle, etc., etc. Okay. Un autre qui était très drôle aussi, beau et chaud, merci. Entre parenthèses, pas grand-chose à dire, on dirait. 245 likes. Et il y a quelqu'un qui répond, ben moi, m'aller promener mes vidanges, vive l'été, LOL. Et le plus drôle que je vous ai gardé pour la fin, qui va comme suit. C'est très long. Je viens de m'acheter un mouton pour la Saint-Jean. J'espère qu'il finira pas en michoui le 24 au soir. Je vous laisse. Je m'en vais me faire friser pour l'occasion. Alors voilà, c'est un peu ce que nous réserve le talk show à compter de janvier prochain. Préparez vos enregistreurs. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. C'est vraiment votre été, ça? Oui, mais accessoirement aussi, je suis allé boire une bière fraîche avec Olivier. En Espagne. Ah, ben vous avez des relations hors travail. Oui, on est allé voir, on a des photos devant la Sangrada Familia. qui n'est pas terminée encore. J'étais en beau fusée, je vais prendre des photos, il y avait des échafauds, tout ça, c'est encore en construction. Non, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est les Espagnols. Oui, merci Jean-Sébastien, votre été, Olivier? Moi, j'avais complètement oublié qu'on était allé en Espagne, Jean-Sébastien et moi. Alors, je vais plutôt vous parler de la France où je suis allé, parce que je suis allé me ressourcer dans un pays qui était pire que le nôtre, dans le fond. Et je regardais une nouvelle là-bas, là. C'est terrible comment c'est l'enfer. Mais ils n'ont pas un président aussi bon que le nôtre. Notre président est très bon ici. Oui, très bon. Oui. En fait, j'ai changé ma maison avec un Français dans le coin de Toulouse. C'est quand même le fun comme concept parce que ça coûte rien. Puis comme le vin est vraiment pas cher, là-bas, t'oublies assez vite que t'es dans les bobettes de quelqu'un d'autre. Il était pas propre? Il était semi-propre, je dirais. Bon. On a aussi échangé nos voitures et j'étais donc à une heure de plein de places, pas pire, là, comme Albi, un des chefs-lieux du catharisme. Le catharisme. Oui, oui, oui. Ah, oui. Puis le gars qui était chez nous, ben, lui, était juste à côté de chez Albi le géant, un des chefs-lieux de la vente de chars usagés. Très chanceux, ça le monsieur. Ça commence fort. Hein? Ben, merci beaucoup, Olivier. Et j'aurais aimé ça passer mon été avec vous. Mais vous, Jean-Philippe, qu'avez-vous fait? Moi, je suis allé au Japon. Ah! Oui, et j'ai une seule chose à dire. C'est pas de la merde, le Japon. Hein. Non, c'est très beau. Hein. C'est tout aussi loin qu'ils disent. C'est pas à côté. Non? Non, c'est pas à côté. C'est long d'avion. Jean-Philippe? Oui? Est-ce qu'on a des invités à cette émission-là? Dites donc! Vous êtes déjà tanné de mon été? Je pense que ça, franchement. On a le tour, là. On va commencer notre première émission en force en soi. Yves Pelletier à l'émission. On est très contents. Vous pouvez applaudir. Hein. Et on ouvre la deuxième heure parce que je sais pas si les gens savaient, on a deux heures ici là, la deuxième heure avec on a l'immense bonheur de recevoir comme premier invité d'honneur Bruno Blanchet à l'émission. On est très content de recevoir Bruno et on va recevoir également Stéphane Lafleur pour nous parler de son prochain film. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Seigneur. On a de gros moyens. C'est une émission de service. Non, mais non. OK. Ouais. Grosse semaine d'actualité. D'abord, il y a eu évidemment les tensions sociales à Ferguson qui ont atteint leur paroxysme dans le Missouri après que deux Afro-Américains aient été abattus dans cet État. Oui, tout à fait, mais on assiste à une petite accalmie depuis jeudi, depuis que les autorités policières ont émis un communiqué pour annoncer que la police allait tout mettre en œuvre pour combattre le racisme un noir à la fois. Ça risque d'être long. Oui, il y en a beaucoup. Racisme. Beaucoup de racisme. Ah, ok, d'accord. Oui. Je précisais. Oui. À Montréal, la rue University va être rebaptisée. Hein. Effectivement, elle deviendra le boulevard Robert Bourassa. Et afin de respecter la mémoire de l'ancien premier ministre, on ne pourra circuler qu'à reculons. Ah. Oui. OK. On va faire ça comment? Ben, si tout le monde va dans le même sens, ça devrait bien se passer. Je vous remercie, Fred. Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, estime que les bibliothèques québécoises ont assez de livres et ne voit pas de problème à ce que les commissions scolaires coupent là-dedans. Oui, il a même déclaré qu'aucun enfant n'allait mourir de ça parce qu'il existe déjà des livres dans les bibliothèques. Il faut dire que le Québec se classe au 134e rang mondial dans le domaine de la bibliothèque scolaire, derrière le Botswana, mais tout juste devant le Kurdistan. Ah, c'est pas pire, quand même. Ah, et là, on m'annonce que le Kurdistan vient de passer devant le Québec. Ils ont acheté deux exemplaires de Martine à la plage. Il faudrait que Dany Laferrière fasse plus de livres par année. Ça nous, on pourrait. Oui? Oui, allez-y. OK, excusez-moi. On reste dans le sujet du gouvernement québécois qui a autorisé cette semaine le forage pétrolier au large de Gros-Kakuna malgré l'opposition de groupes environnementalistes. Oui, c'est qu'on craint que les forages nuisent aux bélugas qui élèvent leurs rejetons dans cette zone du fleuve Saint-Laurent. C'est une espèce de pouponnière pour les bélugas. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Ah, mon Dieu, oui. C'est sérieux. Vous savez que ces animaux se reproduisent. Ah oui? Oui. C'est extraordinaire, oui. Mais comme le dit si bien Yves Bolduc, tant que les enfants ne meurent pas. Ben justement, les enfants bélugas pourraient effectivement mourir à cause des forages, mais en même temps, ils ne savent pas lire. Donc, ben... ça s'égalise. Eh bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Effectivement, hein. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Fred. Merci, Jean-Sébastien. Olivier, oui. On a investi encore dans l'Internet cette année. Hein? Énormément. Et mon Dieu, qu'on a de l'argent. Je pense qu'on en a acheté deux. Hein? Un de Soco. Ah, parfait. Excellent. Allez-y. Ben, c'est ça, les gens peuvent se rendre sur notre site radio-canada.ca/la-soirée où vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elm au 273 Bernard Ouest à Montréal. C'est dans Outremont. Les gens pourront plus dire qu'on... Les propriétaires c'est dans le Mile End. Oui, c'est dans le Mile End. Les gens pourront plus dire qu'on est dans la clique du plateau. Non. Vous trouvez aussi c'est quand même le plateau. C'est ça, c'est un arrondissement du plateau. Ah oui, ouais. On n'en sort pas. Hein. Oh, la géographie. Ils ont barré les portes, on ne peut plus sortir du vous plateau. Vous savez que moi, je suis urbaniste de formation. Ah vous n'en paraît pas? Non, vous n'êtes pas drôle comme un urbaniste. Mais sur notre site, vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion. Vous pourrez réécouter l'émission des segments de l'émission grâce à l'audiophile, une technologie extraordinaire. Riez pas. On est sur twitter.com/la-soirée, facebook.com/la-soirée est encore jeune. Et les gens peuvent aussi nous joindre par courriel à lasoirée@radio-canada.ca. N'hésitez pas à nous faire des commentaires ou nous poser des questions. Et on innove cette saison à la soirée. Ah oui. C'est une première mondiale. Ah oui? Je pense. On va avoir une question du jour. Oh, ça s'est jamais fait, ça. C'est vous, bien. Vent de fraîcheur. Oui. Vous pourrez nous répondre par courriel ou avec le mot-clic la soirée. Alors, on apprenait ça aujourd'hui. Ça aurait l'air qu'un patient de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal aurait été placé en isolement parce qu'il pourrait être infecté par le virus Ebola. Et justement, j'ai entendu une question à Pas de midi sans info l'autre jour. C'était « Avez-vous peur du virus Ebola? » Et ça m'a inspiré une question complètement loufoque à laquelle les gens pourront répondre « Avez-vous peur du virus Ebola? » Ah. Alors, répondez-nous en grand nombre. On va lire ça plus tard. Une petite touche d'humour ici. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'on commence ce show-là avec notre premier invité, Fred? Oui. D'accord. On le connaissait comme humoriste, comédien et réalisateur. On devra aussi ajouter BDiste. Accueillons Yves Pelletier! Monsieur Pelletier. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je suis un petit peu troublé d'être ici. C'est un lieu que j'ai déjà fréquenté au 20e siècle. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps. Et j'y ai déjà croisé Lyle O'Dolan. Hey, boy, boy. le numéro 24 du Canadien. Oui, oui, toute une pièce d'homme. Ah oui? Elle n'a pas mélangé avec le champion d'échecs. Qui? Lyle O'Dolan. Mais d'un autre pays. C'est vrai, ça? Non, laissez faire. Mais non. OK, mon Dieu. Bon, c'est un goon du Canadien, c'est pour ça. Ben oui, je sais même. Non, il paraît que ce sont des gens tendres dans la vie. Hein. Est-ce qu'il était gentil? Il était très, très gentil. Je me souviens plus quel genre de bière il a commandé ou de saucisses, parce que c'était saucisses et bière. Ici? Oui, c'était un genre d'endroit, saucisses et bière. Le freluquet ou quelque chose comme ça. Je ça s'appelait pas le Helm? Non, à l'époque, ça changeait de nom souvent. Ah, OK. Oui, oui. OK, c'est moins intéressant comme anecdote. Je pensais que ça s'appelait le Helm. J'ai jamais dit que c'était une anecdote intéressante. C'est bien fâchant. Fred vous a présenté comme scripteur pour... tout nouveau scripteur pour une BD, alors que c'est votre deuxième. C'est votre deuxième bande dessinée. C'est la deuxième bande dessinée que je scénarise. La première, c'était Valentin, oui. Avec des dessins de Pascal Girard. Là, c'est Le pouvoir de l'amour et autres veines romances, et les dessins sont de Iris. Ben oui, Boudreau. Mais moi, longtemps, je l'ai lu et j'ai cru que c'était vous qui dessiniez, puis je me disais, ah, quand même, il y a beaucoup de talent, mais pas partout. Et... Non, mais pour vrai, je l'ai lu ce matin en déjeunant. Je vais être très honnête. J'ai lu la première histoire. Il y a encore des graines de toast ici. Là. Mais c'est la bande dessinée que je vais faire tirer à la fin de l'émission. Okay. Ça prend de la valeur, ça. Okay. Et premièrement, je me demandais, c'est quoi le trip avec le retour de la BD? Qu'est-ce qui se passe avec la BD? Pourquoi il y en a plein de BD? Pourquoi on reparle de la BD en 2014? Bien, la BD au Québec, veux-tu que je te réponde sérieusement? C'est en pleine effervescence depuis à peu près une quinzaine d'années. Ça correspond un petit peu avec l'émergence de Michel Rabaliati et son personnage de Paul, les éditions de La Pastèque. C'est de plus en plus facile de faire des collaborations avec des gens de l'Europe ou ailleurs dans le monde pour des dessinateurs ou des scénaristes ici. Et je te dirais, il y a de plus en plus de qualité de scénarios et de dessins. Alors, la BD du Québec est en pleine émergence. Mais il y a un public aussi. Parce que, il y a un lectorat. Moi, qui étais un lecteur de Crow à l'époque, Crow a été un des premiers magazines à mettre de l'avant la BD. Mais on sentait que c'était difficile de sortir de quelques plages dans Crow. Mais là, il y a un lectorat en fait, qui s'est développé en même temps que la BD. Justement, un lectorat, est-ce qu'il y en a vraiment un? Bien, le lectorat, je crois, c'est parce que c'est la possibilité d'exporter. J'étais à Angoulême au moment où Michel Rabaliati a reçu son prix. Il y a des succès internationaux. Tu as juste à penser aussi au Nombril. Mm-hmm. C'est ça. Au Québec, c'est pas un gros marché, ouais. Je pense, la BD. Mais en pensant que ça peut être. De toute façon, M. Bolduc l'a dit, il y a trop de livres, de toute façon. Oui, d'ailleurs, je voudrais juste dire, c'est ça, à M. Bolduc, c'est ça, c'est un objet. C'est un objet où il y a des caractères imprimés. Il y a quelques dessins. Et ça a été inventé depuis Gutenberg. On fait des objets qui s'appellent des livres. Mais c'est assez lourd aussi, des livres. C'est ça, je pense, qu'il veut dire. C'est trop pesant pour les sacs des écoliers de 5, 6, 7, 8 ans. Là. Oui, il est soucieux des autres. Des gens. Mais non, mais toujours est-il que... Là, t'allais dire une vacherie sur mon livre. Non, alors, pas du tout. Je t'ai interrompu. Pas du tout, en fait. j'ai commencé en tournant les pages. Je me disais, bon, c'est cute. Puis là, tranquillement, je voyais des organes génitaux, des seins, de la sexualité. Puis je me suis dit, mais coudonc, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer avec ces petits dessins de parties génitales comme ça? Écoute, on me l'a mentionné souvent parce que je crois que c'est un sujet d'intérêt. Et c'est très révélateur des gens qui me posent la question parce que c'est ce qui les intéresse et c'est ce qu'ils ont retenu de 144 pages. Mais dans les faits, il y a 0.04166 périodiques de nudité dans ce livre. Pas du tout. Je les ai découpés. Tu t'es même branlé devant. Non, écoute, c'est un livre pour adultes. Okay? Donc, c'est un livre pour adultes. Donc, ce sont des histoires d'amour. Mais parfois, il y a un petit peu de sexualité qui est évoquée. Mais c'est jamais... c'est fait avec bon goût. Mais l'idée... j'imagine que l'idée, c'est pas de parler de sexe plus que de parler de bonnes petites histoires. Mais la BD, ça sert à illustrer, je comprends. Mais en même temps, est-ce que de le publier en nouvelle, ça pourrait pas être une autre avenue ou... C'est ça j'aurais dû faire. C'est tout ça que... Moi, écoute, je te propose. J'adore la bande dessinée. J'ai appris à, je te dirais peut-être, regarder le monde à travers des cases de BD. J'avais toute la collection des Tintins. Je te parlais du 20e siècle. T'sais, donc, moi, je suis né en 1961. Donc, j'avais tous les albums de Tintin. Je ne savais pas lire. Donc, j'ai appris à lire et aussi à regarder à travers la BD. Donc, aujourd'hui, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec une auteure comme Iris pour faire un album comme ça. Et on parlait d'exportation. Est-ce qu'il y a des chances que... est-ce que vous allez aller en France pour... J'aimerais ça y aller. Tu vois, Valentin a été traduit en espagnol et en anglais. Mais... C'est vrai? Mais oui. Il y a des choses qui se passent. Tu t'en rends pas compte. Non, mais c'est ça qui est fâchant. mais on se posait la question, justement, du succès de la BD. Ça se vend pas mal. Est-ce que ça peut vivre au Québec? Parce qu'il y en a de plus en plus. On parlait de Michel Rabaliati, oui, peut-être, mais est-ce que c'est un marché? Non, tu vois, dans le cas de cet album-là, tu vois, Iris Boudreau, elle a ses projets personnels, ouais. Elle a fait des collaborations aussi avec d'autres auteurs comme Zviane. Les auteurs, en général, les dessinateurs vivent de leur illustration ou d'autres projets ailleurs, et c'est du dévouement à faire de la bande dessinée. C'est ça. C'est 2 ans de travail, mais pas de façon continue, c'est simultané, mais c'est quand même, c'est monastique faire de la bande dessinée. Ouais. On en vend combien? Un succès de bande dessinée, quand ça fonctionne question, vraiment, c'est combien d'exemplaires qu'on vend? Ben, 10, 15, combien? Valentin, je pense en tout, c'est à peu près 5 000 copies. C'est quand même pas mal. Ça, c'est un grand succès. Mais mettons, les Nombrils, à l'échelle mondiale, je pense qu'ils vendent des centaines de milliers d'albums. Là. Ah ouais. OK. Ouais. Fait que, bon, c'est quand même pas si mal, 5 000. Est-ce qu'on espère en vendre 5 000 du pouvoir d'amour? Je sais pas. Moi, tu peux en acheter une couple. Sincèrement, moi, je souhaite tout le succès possible à ce livre-là. Mais je le fais sûrement pas pour l'argent. Pour l'argent dans 2 okay. 2 ans de travail là-dessus. Mais non, mais vous allez avoir un cachet. C'est ça que ça paye, Proprio Direct. Ah, c'est ça. C'est toute cette scénarisation. Je m'en venais là. Parce que la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, il y a un an, on parlait beaucoup de Proprio Direct, les publicités que vous avez faites. Est-ce que vous en faites encore? Vous en faites encore? Ben oui, imagine-toi donc que ça a eu du succès. Arrêtez donc. Et que ça a eu un impact assez incroyable. Et que, sur votre chalet? Et que cette marque-là que personne ne pouvait identifier. Aujourd'hui, tu vois... Tu en rêves. Je vais vendre ma maison avec Proprio Direct. Pas de blague, en fait. Non, mais on rit, mais est-ce que vous avez vendu votre propre maison avec ça? Je suis propriétaire d'un immeuble que je souhaite conserver pour le moment. Donc, j'ai pas c'est pas un bon produit, validité. Si vous le dites. Pardon? Non, moi, sans niaiser, je pourrais pas vendre ma maison moi-même. Je dis ça comme ça. Je suis okay. quelqu'un de... Chacun ses qualités. Chacun ses qualités. Oui. Il y a des gens qui savent se peigner. C'est ça. Chacun a sa boîte d'outils. C'est vrai. Exactement. Et les vaches seront bien gardées. Oui, exactement. Prochaine vacherie. Ben, oui. Non. Okay. C'est même pas des vacheries. Okay. Ben voyons donc. Quelle opinion vous avez de moi? Ben, je te regarde à la télévision. Ben, voyons donc, c'est vous vous trompez avec Patrice Légaré. Là. Ben, Patrick Lagacé, je me mêle tout le temps. Évidemment, le sujet de l'été, ça a été le spectacle de RBO qui a pogné pas rien qu'un peu. Moi, j'étais pas là, j'étais au Japan, mais j'ai entendu énormément parler de RBO et du retour de RBO. Et là, sur scène, ça a été un grand succès. Mais là, tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'ils vont revenir pour vrai, RBO? Écoute, le contexte, c'est que Juste pour rire nous a demandé de faire un spectacle extérieur musical cet été. Ouais. On avait la disponibilité et on avait aussi la motivation pour le faire, donc c'est ce qu'on a fait. Et le succès nous a étonnés, mais aussi le plaisir qu'on a eu à faire ce spectacle-là nous a fait considérer la possibilité de peut-être le refaire. Mais là, ce n'est qu'un souhait. Et tu t'imagines que c'est comme un spectacle d'envergure. Ça se monte pas comme ça, s'organise pas comme ça. Et ça permet aussi à Bruno Landry d'avoir un revenu. C'est lui qui fait les vacheries, là. Okay, moi, je comprends, ça vient de l'autre bord, il joue en fond de terrain. Moi, honnêtement, je suis le gentil dans l'émission, okay. Ne te trompe vraiment. mais c'est vrai que ça a été un succès. Puis là, il y avait 100 000 personnes. Sans niaiser, là, quand on est arrivé sur la scène, là, j'ai eu un gros choc. Ah oui, hein? Oui, il y avait une marée humaine. Et tu vois, entre les chansons, on avait fait des petites capsules vidéo, on avait des petits sketchs, on avait des trucs comme ça, et les gens répondaient aux sketchs aussi. C'était épeurant, hein? Pas épeurant, c'est flatteur. Écoute, de savoir que tu es encore apprécié pour quelque chose que tu as fait dans les années 80-90, c'est le fun, non? Ben, je comprends que c'est le fun, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est 100 000 personnes. Est-ce que c'était votre plus grosse foule? Oui. Même à l'époque, où est-ce que vous faisiez? À l'époque, on a déjà fait, écoute, à la ronde, on a joué devant 25 000 personnes. Je crois que ça avait été la plus grosse foule. Mais 100 000, c'est débile quand même. Quand j'ai vu des photos, parce que sur le coup, ce que j'ai vu, là, c'est l'équivalent peut-être de 50 000, 60 000 personnes, mais j'ai vu des photos aériennes. Par la suite, il y avait des drones qui ont envoyé sur le centre-ville. non, mais il y avait des gens partout. Ils ont refusé des gens sur le site. Alors, écoute... Avec du monde comme ça, j'imagine, tu fais un gag, ça arrive en avant, mais là, le temps que ça aille jusqu'en arrière et ça revienne, il faut que tu fasses des pauses entre les blagues. Non. Sans niaiser, il faut que tu te concentres sur la première vague. Parce que sinon, il n'y aura aucun rythme. Non, c'est ça. Mais c'est comme ici, le bar est tellement profond. Il y a des gens jusque dans le fond qui jouent au billard. Exactement. Alors, n'hésitez pas à crier vos blagues, les gars, si vous avez... Non, mais c'est vrai que c'est comme ça. Évidemment, merci beaucoup. On parle de nostalgie quand on parle de RBO parce qu'on se rappelle des bons moments. On se rappelle aussi des bye-bye qui a eu lieu il y a une couple d'années. Est-ce que le Québec est en nostalgie ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'humoristes de groupes d'humoristes qui ont été capables de chanter des chansons qui nous restaient dans la tête? C'est souvent ça, parce que ça a été un peu ça aussi, ce show-là. C'est des bonnes vieilles chansons qu'on connaît tous. Écoute, est-ce que je peux me permettre une analyse? On a fait de la télé, on a fait de la radio, ben ouais. On a fait de la chanson. Ces choses-là ont été immortalisées sur support vidéo, disque et tout ça. Et donc, ça survit bien. Ouais. Puis aussi, la musique qu'on a faite, c'est qu'on l'a faite avec des musiciens. C'était pas de la musique de pouet-pouet. Ben non, mais c'est ça l'histoire. Donc, des gens talentueux qui ont fait des musiques rythmées, des petits vers d'oreilles des fois. Des chansons qui ont eu du succès à l'époque. Moi, je me rappelle. Peut-être que Jean-Philippe s'en rappelle pas parce qu'il est encore très jeune. Puis ça paraît énormément dans la façon qu'il fait ses entrevues. Non, mais... Le rap, moi j'étais au secondaire et c'était dans le haut du palmarès. Là, ça s'est bien classé. Ça jouait dans les radios. C'est ça. Et t'allais dans une discothèque et des fois, là, mettons, Arrête de boire jouait et les gens se précipitaient pour aller danser. Quand même. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'on imaginait ça un jour, faire des tunes pour que le monde danse? Non. C'est extraordinaire. Peut-être André, parce qu'André, il y avait un groupe musical qui s'appelait les Yellow Frogs. C'est eux qui ont composé le Feu sauvage de l'amour. Ça, c'était bon, ça, quand même, non? C'était très bon. Ah, c'est toujours bon. Ben, je sais que c'est toujours bon, c'est ça l'histoire. Avant de se quitter, mais vous restez avec nous quand même, je sais que vous êtes porte-parole du World Press Photo. Oui, exact. Écoute, j'étais tellement flatté qu'ils me demandent d'être porte-parole parce que je ne suis pas reconnu pour le photo-reportage. Ben, vous faites des belles photos sur Facebook. Et voilà, c'est la crème de la photo du photojournalisme qui va être exposé au marché Bon Secours. Vous les avez vus? J'ai pas vu les tirages. Okay. Genre, j'ai pas vu la vraie expo. Ouais, ouais. J'ai juste vu la sélection et il y a des choses assez incroyables. Tu sais, moi, écoute, ce qui est troublant, c'est des fois à quel point quelqu'un peut te cadrer une histoire tragique, ouais, être dans un événement, mais vraiment dramatique. Et en même temps, il y a une grande beauté, il y a une grande puissance d'évocation. Puis, si je peux dire sérieusement, c'est une façon d'aller regarder l'actualité de l'année dernière, mais aussi c'est un espace de réflexion aussi sur les enjeux de notre monde, en même temps que tu vas voir une expo de photos. Vous restez avec nous pour le reste de l'heure? Je suis obligé? Ben, je vais rester là. OK, c'est bien fin. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui bûche les itinérants. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des Airs d'Ariens sur les ondes de Radio X Jazz. Très, très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que notre levée de fonds pour venir en aide à l'armée israélienne se poursuit jusqu'à samedi prochain. Vous pouvez donc passer à la station afin de vous procurer nos bagels à l'effigie du Radio X Jazz. On vous rappelle que pour chaque bagel vendu, 25 sous seront versés à nos amis qui doivent se défendre malgré des moyens très limités donnés généreusement. Vous savez qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés à notre programmation automnale. On est un peu comme la radio de Radio-Canada. Mais j'aimerais quand même souhaiter la bienvenue à un nouveau collègue qui se joint à notre équipe. Je parle ici de Louis Lemieux. Vous ne le connaissez sûrement pas. Il animait une émission à RDI. Mais voilà que Louis animera chez nous l'émission du matin. Alors nous sommes très heureux de l'accueillir, particulièrement moi-même. Hein, je ne serai plus le seul à savoir lire à la station. Et un qui ne lira plus, hein, c'est bien ce journaliste britannique décapité par des islamites. Je n'ai pas un grand respect pour les journalistes, vous le savez, ils ont toujours un biais gauchiste, mais en même temps, je trouve un peu déplorable l'attitude des djihadistes quand on montre des réserves face à leur politique. Je dédie donc la prochaine pièce à ce journaliste, une pièce de Liza Minnelli, intitulée « Losing My Mind » sur les ondes du Radio X Jazz, de 91, blanc. Quel bonheur de retrouver Kevin Gosselin, quand oui, même. Oui et non. Fred, vous avez encore un biais cette année? Bien oui, désolé. oui, une bien mauvaise nouvelle nous est tombée dessus cette semaine, les amis. D'ailleurs, je suis sûr que vous savez exactement de quoi je veux parler, Olivier. Si je vous dis une mauvaise nouvelle, je pense que ça c'est clair. La guerre dans le monde. Non. Jean-Sébastien? Ah mon Dieu, le décès. La mauvaise nouvelle de la semaine? Ah mon Dieu, je... Ben non, on prend pourvu. Ben je sais pas, moi j'ai pas suivi le... Non. L'Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Non, ça va bouleverser nos... Je peux pas croire, vous savez pas de quoi je pense. Ça va bouleverser nos vies. Facebook a annoncé qu'une fonction satire est présentement testée sur ses pages pour que les pauvres internautes sachent quand une nouvelle est fausse et puissent être avertis qu'elle provient d'un site satirique comme The Onion, Gorafi, ou par des sites québécois comme Le Navet, La Pravda ou Le Journal de Montréal. Voilà! Voilà où nous en sommes rendus à cause de tatas qui n'ont aucun humour et qui ne comprennent pas quand on met du deuxième degré ou du sarcasme dans une blague. Voilà qu'à cause d'eux, on devra souligner en gras le fait qu'on use de satire, ce qui, justement, enlèvera tout impact à une blague satirique, un mode humoristique parmi les plus efficaces qui soit pour déculoter un roi, parce que dans le fond, c'est probablement ça qui dérange le plus ces bigots de l'Internet, c'est qu'on puisse se moquer de nos élus, de nos politiciens, de nos élites qui nous dirigent si mal depuis que le monde est monde. Le fascisme est à nos portes et nous dormons au gaz, mes amis, je n'exagère même pas. Il est à parier que cette tendance se répandra comme une traînée d'huile, non seulement sur Facebook, mais dans la vie réelle. Je ne serais pas étonné qu'on nous demande bientôt, dans la vraie vie, d'avertir les imbéciles que nous pratiquons le deuxième degré. Mm-hmm. Et j'en veux pour preuve le lancement de la programmation de Ici Radio-Canada Première qui a eu lieu il y a quelques jours, un lancement devant public que nous avons animé demain de maître, hein, je pense qu'on peut le dire. Ah. Moi, c'est ce qu'on me répète souvent, là, j'ai pas vraiment de recul, mais... Eh bien, vous l'avez sûrement remarqué, Jean-Philippe, des bigots anti-satire y étaient et ont tenté de discréditer notre belle œuvre satirique. Rappelez-vous, chaque fois qu'une blague à deux niveaux fusait, on entendait des « Oh! » des « Oh! » Franchement, c'était pas nécessaire. C'est les gens de Facebook qui étaient là. Puis-je vous dire que si on laisse ces bigots vivre, mm-hmm, notre émission même est menacée. Nous qui manions la satire de si belle façon, je sais que pour les simples d'esprit, ça doit être très frustrant de ne pas pouvoir déceler la satire. C'est probablement ce qui les choque le plus, de constater qu'ils sont limités intellectuellement. Soyons bons princes et avouons que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de différencier la satire de la réalité. Mais on ne sait jamais quand vous êtes sérieux. Faisons l'exercice ici même. Je vais vous donner quelques exemples d'actualité de cette semaine et de satire et vous me direz si vous pouvez faire la différence. Donc, c'est une satire ou une vraie nouvelle? Je vais vous demander. Bon. À pas de midi sans info cette semaine, le député conservateur Denis Lebel, pour l'instant, tout est véridique, a expliqué qu'il n'y avait pas de député conservateur à la parade de la fierté gay parce que Montréal est trop loin. Okay. Satire ou réalité? Je pense que c'est la vérité, ça. Malheureusement, c'est la vérité. Il a dit qu'il n'y a pas de député à Montréal, fait qu'on n'a pas envoyé de député pour le défilé des choses, là, mais s'il y avait des députés à Montréal, on en aurait. Est-ce que vous le citez librement? Ou? Très librement. Okay. Ben, ça vous laisse dire pas mal ça. Okay. Deux, ben, j'ai plus de vocabulaire. Des fonctionnaires municipaux ont envahi l'hôtel de ville de Montréal et les policiers, comme au printemps érable, ont envoyé l'escouade anti-émeute pour bûcher sauvagement les manifestants qui n'avaient pas donné d'itinéraire et qui faisaient du vandalisme satire aux réalités. Ah, ça, c'est de la satire. Ben oui, les policiers sont restés les bras croisés et ont fait caca dans leur froc. Troisième nouvelle. Année désastreuse pour le Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un sondage démontre qu'on sent contre Saint-Cyboirise des Montgolfières. Il était temps que les gens allument satire ou réalité. Ben là, c'est embêtant. Évidemment, c'est une satire. Malheureusement, les gens aiment vraiment se rendre sur un terrain vague pour voir s'envoler des ballons géantes qui font Allez comprendre pourquoi. Incroyable. Alors, j'espère que j'aurai réussi à vous sensibiliser aux dangers qui nous guettent. Si la satire disparaît un jour, c'est que l'humour aura lui aussi disparu. Il ne restera plus qu'à mourir. Hey, bonne fin de semaine tout le monde. Non, on ne voulait pas faire dans la facilité à la soirée non. Et mettre des petites chansons pour remplir notre temps d'antenne. Franchement, nous, on est meilleurs que ça. Oui. Hein? Oui. On est capable de remplir 2 heures de radio. Oui. C'est vrai, j'ai hâte de voir dans ça. Le nez. Ouais. En tout cas, toujours est-il qu'on a fait une couple de réunions, puis finalement, on va en mettre de la musique. Ouais. C'est beaucoup 2 heures, hein? C'est beaucoup, mais on aime la musique. On aime la musique. Mais on aime la musique aussi, là. On n'est pas des bêtes de même. Mais comment c'est donc, Jean-Sébastien? Oui, voilà. Alors, ça va nous permettre d'aller nous chercher des shooters pendant ce temps-là. Alors, on va le présenter de façon qui s'appellera le Jukebox. Ah oui, des chansons fort intéressantes. Et je m'invite à présenter la toute première. Vous êtes un peu forcé. De la saison. Alors, voilà. Vous le savez, évidemment, cet été, le hip-hop québécois a fait l'objet de critiques via le groupe Database. Ça a été fou, hein? Oui, on l'a accusé de chanter en franglais, Jean-Philippe. Alors, on a décidé ici de vous proposer une des premières chansons rap entièrement francophone. Ah, c'est laquelle? Ah, attendez. Est-ce que les gens la connaissent? Ah, peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent? Ils nous écoutent pas. Allez, continuez. Ah, bon, parfait. Alors, voilà, donc, pour vous montrer qu'on peut chanter du hip-hop en français tout en étant extrêmement crédible, cette pièce date de 1990. Ah, mon Dieu. Et ça s'intitule « Le rappeur chic ». Entre parenthèses, je rappe en français. C'est un beau morceau de l'artiste Le Boyfriend, dont on s'en souvient beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous? Oui, Le Boyfriend. Je l'ai déjà vu passer. Ah, vous l'avez jamais, vous y avez jamais parlé? Je me souviens pas de lui avoir adressé la parole. Pas comme Lilo de Line. Non, pas comme Lilo de Line. Ouais. C'est une chanson qui a été écrite par un certain S. Tracy et un certain M. Tadros, comme dans Manuel Tadros, comme dans le père de Xavier Dolan, qui n'est pas un rappeur, effectivement, mais qui a réussi à être très arrogant en français. Complètement. Pas rien. Ben oui. Alors, je vous invite à écouter le rappeur chic sur Ici FM. Hey, vous savez que Marie-France Bazot s'est débarrassée de ses recettes hebdomadaires. Oui. Avec raison. Hein? Mais... on a décidé, Frédéric, que c'était nécessaire de faire du manger à la radio. Hein? Ouais. Alors, on va contre votre bonne volonté. C'était une réunion où j'y étais pas. Ah, d'accord. Alors, parce qu'on est une émission de service. On va le répéter souvent, je suis super ça. Content. Ben oui. Et on va vous faire une recette de bon manger à chaque semaine. Alors, dans la salle, prenez des notes, c'est très important. Et cette semaine, c'est Jean-Sébastien. J'espère que vous avez mis votre tablier de bonne ménagère. Oui, de bonne ménagère. Et je vous présenterai au fil de la saison des vraies recettes. L'époque, Jean-Philippe, du vrai manger. Ouais. Celui qu'on mangeait avant que le monde vire sur la bonne, c'est avec le curcuma, le quinoa et le kale. Des recettes de l'époque où c'était Jeanne Benoît et sa cuisine au micro-ondes qui triomphait et Juliette Huot et sa cuisine au blender. Je vois le vide dans votre regard, Jean-Philippe. C'était des stars de notre époque, Fred et moi. Alors, je commence aujourd'hui en vous faisant redécouvrir L'aspic. Ah, bon. Encore le vide, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'en ai dégusté plus d'un. Et ah c'était bon, c'était oui. très bon. C'était très bon, souvent quand il y avait des fruits de mer impliqués. Voilà. Alors, on peut rappeler aux plus jeunes qu'essentiellement, c'est un plat qui est constitué de gélatine, donc généralement cuisiné dans un moule en forme de couronne. Donc, en substance, c'est un gros jello dans lequel on mettait à peu près n'importe un quoi. Un jello salé. Un jello salé ou sucré, ça dépendait. Ah. Il y avait toutes sortes d'alternatives. Ce qui était très populaire à l'époque, c'était de mettre dans ce jello-là du thon en canne, des viandes reconstituées, de la salade de fruits, des saveurs artificielles, etc. C'est quoi de la viande reconstituée? Ah mon Dieu, c'est comme du clic, du pam, puis du pam. C'est comme toutes sortes de restes d'abats qui étaient dans les cannes. Tu sais, quand t'as fini ton poulet Saint-Hubert, tu prends les restes puis tu le comprends. puis tu le mets dans du jello. On parlait de Tintin tantôt, là, mais dans Tintin en Amérique, Tintin tombe à un moment donné. Il va visiter une usine de viande carnée, en fait, et tombe dans le gros mélange. Belle anecdote. Ouais, pour les gens qui ont la culture, là, vous allez voir ça. OK, continue, Jean-Sébastien, parce que ça a l'air bien bon. Oui, voilà. Alors, évidemment, j'ai voulu savoir, ça remontait à quand, d'où ça venait, ça, l'aspic. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai ouvert mon petit Robert, et c'était écrit « Origine, deux points, obscur ». Ah, ben c'est encore pertinent. Alors, je me disais, évidemment, que j'irais plus loin. J'ai contacté le gastronome Philippe Mollet, qui me dit « C'est la faute aux religieuses. Ce sont elles qui, les premières, ont voulu nous enseigner les bienfaits de la gélatine. » Ah, les Moses. Parce que semble-t-il que des vertus à la gélatine, c'était pas cher à l'époque, on était plus pauvres. Dans c'est lubrifiant. C'est lubrifiant. Merci beaucoup. C'est bon pour les ongles. Parce que quand tu fais vœu de chasteté, ça peut être intéressant. Donc, j'ai appelé cette bonne vieille sœur Angèle pour lui parler de la gélatine. Oui. Elle me dit, vous savez, c'était très bon et c'est dommage qu'il n'y en ait presque plus. Ben. Elle dit, à l'époque, on appelait ça... attendez, comment on appelait ça? De la... galantine, voilà. De la galantine. De la galantine. Ça a l'air bien meilleur de voilà, de veau, du bouillon de poulet, des légumes, des oignons, souvent de la viande. Mais semble-t-il, Jean-Philippe, que l'aspic a effectué un retour il y a quelques années. Ben non. Oui, Je tombe en bas de ma chaise. J'ai lu ça sur des sites de foodies, dans New York Times. Semble-t-il qu'il y a même existé des concours de Vierge Marie en jello quelque part à New York. Il y a quelques années, c'est tout à fait véridique. Pourquoi que ce retour-là? On appelle ça un peu l'effet Mad Men. Vous savez, on est dans la nostalgie, encore une fois. Mm-hmm. On veut manger ce que nos grands-mères mangeaient, frère. Oui. C'est le samedi, hein? C'est le samedi. Moi, je suis habitué, pas en direct, de dire toutes sortes de choses. Ben oui, exactement. Ça va, c'est bien. Allez-y. Oui. Alors aujourd'hui, évidemment, on cuisine ça avec des ingrédients plus frais. On mange ce que nos grands-mères mangeaient. Ouais, le vendredi soir, j'aurais dit autre chose. Alors, on le fait avec l'amande, basilic, du thym, du romarin. Et on peut créer, évidemment, avec un peu d'imagination, son aspic. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Ah ben, dépêchez-vous. Voilà. Alors, mon aspic à moi s'appelle l'aspic du petit Olivier, en honneur d'Olivier Niquette. Pourquoi? Parce que cette semaine, je vous ai fait parvenir à tous un petit questionnaire pour savoir quels étaient vos aliments préférés. Oui. Il y a seulement le petit Olivier qui m'a répondu. On a d'autres choses à faire. On a 4 heures de radio à préparer. Effectivement. Alors, vous commencez. Donc, on allume le rond ici. On va porter... On vous croit même la magie de la radio. Donc, vous allez entendre des bruits. Hein? On remercie Pierre Collin qui m'a prêté quelques bruits aujourd'hui. C'est pas Pierre Collin, mais bon. C'est qui? C'est Alain. Alain Collin, voilà. Il va manquer de temps pour votre recette, là. Alors, bon. Alors, on porte à ébullition, ici, brassé. Une tasse de jus de tomate. Mais vous avez des outils pour faire du bruit, pour faire mais, du bruit. Mais on le dit pas, on est à la radio. Ah, pardon. Alors, j'ajoute ensuite une boîte de Jello au citron. Mm. J'ajoute dans, encore... Dans le jus de tomate? Oui, oui. Du Jello au citron? Oui. OK, mais dépêchez-vous, là. Bon. Et là, j'ajoute ensuite les ingrédients préférés dans la vie d'Olivier Niquette. Alors, il m'a répondu. Son aliment préféré, c'est le fromage. Alors, j'ai ajouté, des fromages en grains. Son fruit préféré, la mangue. Alors, des petits morceaux de mangue. Son légume préféré, la patate. C'est alors, bon, j'ajoute les patates. Des petites patates rissolées. De la rénovation, Son alcool préféré, c'est le gin. J'ajoute un peu de sel, un peu de boivre. Je verse ça dans un moule. C'est très évocateur. Ça sent très bon. Je peux mettre ça aussi dans des petits ramequins. Je vais laisser refroidir 45 minutes. Je vais brasser. Okay, dans deux heures, ça va être prêt. Bon. Et évidemment, comme dans les émissions de recettes qui se respectent, j'ai déjà un peu préparé. Ah, ben là, c'est ça. Alors voilà, j'en ai ici dans ma petite tasse. Alors, qui c'est pas une joke? Non, j'en ai pour vrai. Comment j'ai ça, y une petite tasse? Ça se boit pas. C'est pas supposé être du jello. Ah, alors, qui veut y goûter? Moi, j'ai. Yves, goûtez-y donc. Non, jamais. Tiens, versez ça dans un petit verre. J'ai pris de l'héroïne tantôt, ça se mélange pas. Voilà. En fait, c'est parce que j'ai mis trop de jus de tomate. Non, c'est ça. La consistance n'est pas réussie. L'aspect de jello n'est pas trop là. Ouais. Alors, évidemment, on suggère de servir ça sur un nid de salade frais ou pour accompagner une volaille fraîche ou des pâtes frais. J'ai déjà vu ça au Mexique. Je te dirai pas où. Goûtez-y, c'est doux comme le petit Olivier. C'est juste pas de bon sens, cette affaire-là. Fais pas ça. Non, franchement. Mais ça se mange pas, ces cochonneries-là. Voyons donc. Vous crachez sur notre histoire, Jean-Philippe. Ben voyons donc, c'est pas ça les Grecs. C'est Jackass, votre émission. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, c'est jusqu'au prochain vomi, franchement. Alors, vous trouverez évidemment cette recette-là quelque part au courant de la saison sur notre site Internet. Bon, vous vouliez nous parler de... Merci beaucoup, hein, oui, c'est très gentil. Vous vouliez nous parler de Pascal Bérubé qui nous a écrit, l'ancien ministre du tourisme. L'ancien ministre du tourisme du défunt Parti québécois qui nous a dit... qui... Je pense qu'il est juste malade. La gélatine n'a pas pogné dans la nature. Hein? Alors, Pascal Bérubé qui vient de nous écrire que le boyfriend est sur Facebook. Ah, on peut le suivre. Arrêtez donc. Et semble-t-il qu'il s'adonne beaucoup au bouddhisme maintenant. Mais en français. Merci. Le bouddhisme en français. Il paye du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ils trouvent drôle qui m'engage au lieu de passer des bons. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Eh bien, Olivier est de retour cette année avec ses extraits d'émissions de radio. Là. Fait... Bon. Franchement, ça fait 4 ans qu'il fait la même chronique. Ben non. Non, non, 2 ans. Ah, 2 ans, pardon. Allez-y, Olivier. Ben oui, je vais continuer de vous présenter les meilleurs moments de la semaine dans les médias cette année. Et on commence en force avec le gros sujet cette semaine, le boulot-ton de Gatineau. Le concept est assez simple. Hein? C'est Zoé Zebra, actrice de films de fesses, qui couchera avec 25 gars afin de se faire payer des implants mammaires. Bon. J'imagine qu'elle trouvait ça moins dégradant que de s'inscrire à l'émission de Jean Héroldi, je sais pas. En tout cas, Sylvain Bouchard de Cogeco a voulu approfondir le sujet en faisant une entrevue avec Mme Zebra, qui se défend assez bien par ailleurs. C'est quoi la différence entre une fille qui demande 50$ sur le trottoir pour faire une pipe, puis toi qui, pour 15$ dans un local, dans une roulotte, fais une activité comme ça? C'est quoi la différence? C'est pas faux. La différence, c'est que moi, au bout du compte, j'ai une part de faire payer. Voilà, plutôt que d'être payée en argent, elle sera payée en silicone. C'est pas de la prostitution, c'est du troc. Et Sylvain Bouchard, là, ça, là, ça l'indigne pas pantoute, à part peut-être pour le manque d'ambition de Mademoiselle Zebra. Elle a l'air à en assumer toutes les conséquences. Si c'est le cas, ben, là, tout ce qu'on peut y reprocher, c'est qu'elle est loin du 1000. Je trouve qu'on bat pas le record. Effectivement. Mais bon. Effectivement. C'est pas le record. Le record est détenu par une... Ben, je sais pas. Une polonaise. Ah, ben là, une polonaise. Vous connaissez pas votre porn, vous. Vous connaissez pas vos classiques. J'aurais cru, Frédéric, que vous auriez répondu à celle-là. Ah, non, donc, malheureusement. Une polonaise qui aurait couché avec 1000 gars en une journée. On est vraiment nés pour un petit pain ici. Hein. D'autre part, il y a le Dr Mayou qui continue de sévir sur le web et il en avait long à dire sur son sujet de prédilection, les femmes. Et selon lui. Une femme qui est capable de s'évaluer à sa juste mesure, c'est rare comme du. C'est rare comme. J'allais dire. Des excréments. Hey, c'est quand même pas pire. Hein? Il n'y a pas de problème à dire que les femmes n'ont pas de jugement, mais ils n'osent pas dire le mot « marde » à la radio. Ben. Presque aucune femme politique n'a d'allure aux yeux de Mayou, d'ailleurs, à part un peu Angela Merkel. Il faut dire qu'en Allemagne, là, ils l'ont l'affaire en matière de chancelier. On n'a qu'à se rappeler de choses. T'sais, choses? Non. Il y en a eu un grand et gros. Là. Comment il s'appelait? J'essaie de trouver son nom. Le chancelier allemand Helmut, non? Ou Helmut Kohl. Helmut Kohl? Ah, Helmut Kohl. Ça nous rappelle de beaux souvenirs de la guerre froide, hein, quand même. Sinon, il y a Éric Duhaime qui a reçu un coup de pied de la main invisible du marché dans le derrière cet été. Il n'aimait pas vraiment la nouvelle direction que prendra Radio X Montréal à l'automne. Il a préféré partir à l'insu de son plein gré. J'ai pensé que pour le bien de la station de Montréal, qui veut prendre une direction différente, puis pour le mien, je pensais que c'était mieux de faire d'autres choses en vie. Tu sais, quand t'es rendu au bureau, puis c'est juste pour ton chèque de paye. Ah. Mais oui, tu sais, quand Éric Duhaime est plus motivé par l'argent, qu'est-ce que c'est que ça tournait vraiment pas rond dans cette station-là. Mais c'est décevant quand même, hein? Ils ont même pas attendu qu'il atteigne les 4% de code d'écoute avant d'y donner son 4%. Je trouve ça triste. Sinon, Louis Lemieux, on a parlé, a quitté RDI pour aller prendre la place de Carl Monnette à l'émission du matin de Radio X, qui ne sera plus vraiment Radio X. Et Richard Martineau aurait refusé le poste. Il se désolera sûrement du changement de vocation de la station, parce qu'il n'y a que choix pour nous éduquer sur les gens, les enjeux importants comme les fonds de retraite des employés municipaux. Mais là, il y a eu vraiment une job qui a été faite, entre autres, par des gens de choix, beaucoup. Oui. Entre autres, par des gens comme Joanne Marcotte, entre autres, par des gens comme tu sais, il y a plein de monde qui ont éduqué les Québécois depuis quelques années. Qui est là maintenant, le contribuable moyen, il est plus cave. Eh non, il est plus cave. Et si vous voulez vérifier si le monde est vraiment de moins en moins cave, je vous invite à aller lire les commentaires sur la page Facebook de Timé Paré. Je vous laisse juger. D'ailleurs, Martino animera l'émission du matin à LCN, un genre de salut bonjour démago. Alors, si vous êtes du genre grognon le matin, je vous conseille de ne pas l'écouter. L'émission de Dominique Moret à Radio X, elle, aura maintenant deux versions, une montréalaise et une québécoise, ce qui plaît énormément à Denis Gravel, qui est animateur à Québec, parce que lui, tu sais, Montréal... Montréal, j'aime pas ça. Le monde qui vit là, je les haïs, je les comprends pas. J'en ai rien à foutre de Montréal, OK? Bon, c'est assez clair. Je rappelle à M. Gravel ce qu'un grand penseur Yoda dans Star Wars 1 a dit. J'ai trouvé ça sur Internet. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Et je pense que Denis, il souffre beaucoup. Ça s'entend. Merci beaucoup, Olivier. Ouais, ça fait plaisir. Bon, assez, franchement. Je veux une chronique de 4 minutes. Bon, Jean-Sébastien, on va terminer les heures avec vous. C'est beaucoup de temps d'antenne pour un junior. Je le sais. Moi aussi, je trouve ça. Ben oui, vous allez prendre ça à deux mains. Oui, voilà. Même si je suis plus au téléphone, évidemment, on invite les gens à envoyer des questions aux invités qu'on soit. Et déjà, j'ai reçu plein de courriels ici pour M. Pelletier. Alors, le premier courriel ici va comme suit. Bonjour, M. P. Vous avez réalisé 2 comédies romantiques franchement sympathiques. Est-ce que vous aimeriez ça éventuellement faire du cinéma d'auteur? Des films comme ceux de Stéphane Lafleur, par exemple, genre une ado l'été qui a l'air bête pendant 1h30, avec des gros plans, avec des gros plans de 15 minutes sur des divans et des verres d'eau, et c'est signé Viguzzo. Écoute, ça va me permettre de être très bonne. Ah, j'ai vu le film de Stéphane justement ce matin. Arrêtez. Ben oui, c'est une projection à 10h30. D'ailleurs, la salle était pleine. Ah ben. C'est un film remarquable que je conseille à tous. Est-ce que vous dites ça parce qu'il est devant vous? Je le dis parce qu'il est devant moi. Puis il pourrait être derrière, il pourrait être à 5 km. Je le dirais pareil. Non, mais c'est un film qui est très, très, très, très drôle aussi. C'est un humour qui est particulier. Il n'est peut-être pas facile à décoder pour certaines personnes, mais en tout cas, moi, je le décode, je pense que je le décode bien parce que je trouve ça très, très, très, très, très, très drôle, très bon. Je pense que c'est une pointe contre M. Guzzo. Oui, c'est ça, c'est une blague que tu faisais sur M. Guzzo. Plus. Mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est aller au cinéma, puis remplissez les salles. De tous les distributeurs comme ça, les films québécois, et puis voilà. Manger de la boîte. C'est un peu ça. C'est une drôle de réponse à ta question. Non, c'est intéressant. Ouais. OK, continue, Jean-Sébastien. Il y a peut-être d'autres. Oui, voilà, un autre courrier qui nous voit comme suit, qui vient de Mme Nancino de La Valtrie, qui dit « Allô, Yves, je sais que tu voyages beaucoup à travers le monde. Quels sont les principaux avantages de toujours être ailleurs, outre le fait que ça t'a permis de ne pas voir rouler tes maudites pubs de proprio direct? » Les gens sont méchants. Moi, je suis très mal à l'aise de lire ça, pour vrai. Ouais, oui, je sais. Porte-voix de la méchanceté du Québec. Oui. Je trouve ça petit. Ben écoute, comment qu'elle s'appelle cette dame-là que t'as inventée déjà? Madame Blon de La Valtrie. Est-ce que vous allez en lire des vrais des fois? Oui. Okay, alors moi, ce que j'aime, c'est que quand je suis de retour au Canada, un pays libre où on peut changer de station quand il y a quelque chose qui nous importe. Ouais. Et on fait des blagues, mais pour vrai, j'ai un vrai courriel cette fois-là. Je faisais des blagues. Le dernier va comme suit. Allô Yves, est-ce que tu pourrais me prêter 20$? Et c'est signé Bruno Landry. C'est tellement niaiseux, ça. Je suis pas bien. J'ai pas envie de faire ça. Mais ça, on le sait que c'est vous, Jean-Sébastien. Vous êtes un écœurant, hein, vous le savez. C'est ça. De la satire, ça, hein? Oui, faut le dire. Vous n'avez pas d'autres, toujours? Ah, mon Dieu, je pense pas, non. OK, parfait. Est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour, Olivier? Plusieurs, mais avant, on a quand même quelques commentaires. La chanson... Le rappeur fait beaucoup le réagir. Le rappeur cherche, mon Dieu, que de la misère. Oui. Oui, le rappeur Chic de Boyfriend a fait beaucoup réagir les gens. C'est un urbaniste. Il y a Valérie qui nous dit « Je me souvenais pas à quel point le rappeur Chic est une chanson spectaculairement insupportable. » On a passé 4 minutes de ça à radio. Quand même. Mais c'est fin, ça. Oui, il y a quelqu'un aussi qui voulait préciser que Manuel Tadros, c'est lui qui chante le refrain. Tout à fait. Mais est-ce qu'il a composé quelque chose? Oui, il y a des paroles, je crois, ou la musique. Je pense que c'est la musique généralement. Et dans le clip aussi. Oui. Il y a des lunettes fumées dans le clip. Tu es le rappeur Chic, toi. Comment, Fren? Très belle voix. Merci beaucoup, Fren. Écoutez, on parlait de ça, le rappeur Chic. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même année où MC Hammer a sorti Can't Touch This. Ah. Ah! Alors, il y a un lien, là. Et on revient à la gélatine. Exactement. Vous vous souvenez-vous de Daniel Lavoie aussi, Jean-Philippe? Ben oui. 1990, avec le pape du rap. On était aussi avec un rap francophone dans la même année que le rappeur. Est-ce que c'était la même année ou est-ce qu'ils ont fait Félix Leclerc? Non. Qui ont fait Félix Leclerc? Mais non, mais tu sais, la mini-série, là, Félix Leclerc. Ah, bon, Leclerc. Non, mais non. Les perruques, t'es pas prête. Hein, on n'a pas le droit de parler de ça à Radio-Canada. Tu vois, vous savez, hein? On le coupera au montage. Oui, juste avant de s'en aller à l'heure, ouais. Est-ce que vous voulez prendre une petite gorgée de l'aspic? Et si ça serait par respect pour Jean-Sébastien, j'ai un petit verre ici. Écoute, je vais le faire parce que par défi. Puis... Mais ça peut pas être si mauvais de toute façon. Non, c'est pas si mauvais. Je dois avouer que j'ai déjà pris des affaires piques. Est-ce que ça goûte la patate? Il y a un petit côté sucré de tomate. Tomate, sucre, patate, oui. C'est essentiellement la composante de l'aspect. Ça fait du sens. C'est un succès. Merci. Écoutez, c'est déjà le temps d'aller aux nouvelles, hein, pour un petit 10 minutes. 10 minutes d'actualité. Oui. Hein, puis après ça, on continue à s'amuser en direct de la brasserie Elm, rue Bernard à Montréal. Bye! On est de retour pour la deuxième heure de ce joli petit spectacle radiophonique en direct de la brasserie Elm du Bernard. On va faire ça toutes les fins de semaine pour vous. Bon, on avait une question du... Ah, vous, il y a des gens qui veulent applaudir. On peut-tu faire de la radio? Ben non, c'est ça. Hey, c'est assez, là, franchement, les applaudissements, les fleurs, les bobettes. Voyons donc. On avait une question du jour, Olivier. On a sûrement des réponses. Oui, on rappelle la question. D'abord, avez-vous peur du virus Ebola? Et, ça, c'était drôle. Hein? Par contre, je viens de lire sur Twitter que le patient à Maisonneuve-Rosemont ne serait pas atteint d'Ebola. Okay. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir peur d'Ebola. Peur. Voyons donc. Les gens sont déçus. Bon, on a quand même plusieurs réponses. Oui. Il y a Marc Saint-Don qui nous dit « J'ai surtout peur du défi qu'on va créer pour sensibiliser les gens à cette maladie, probablement le Blood Bucket Challenge. » J'avoue. Franchement. Sinon, Étienne Boucher nous dit « Non, parce qu'Yves Bolduc va s'assurer qu'aucun enfant ne meurt de ça. » Moi, j'avoue ça, que ça me rassure aussi. Ben oui, ça, c'est fin, ça. Jérôme L. Boucher nous dit « Non, sauf si Pauloud boit le virus pour comprendre dans quel état d'esprit il est. » On a des auditeurs fantastiques. Parce oui, quand même. On dirait que c'est scripté. Hein? On pourrait les engager comme scripteurs. Non, c'est pas va être correct. Non? Ils sont peut-être meilleurs que vous, Fred. C'est ça. Continuez. Il y a Ghislain Bergevin, ça rime, qui dit « J'ai pas peur de l'Ebola. J'ai fait des réserves d'huile d'origan. » Je sais pas, peut-être que l'huile d'origan guérit l'Ebola, faudrait voir. Jean-Sébastien, dans une recette la semaine prochaine, mettez de l'huile d'origan. Bonne s'il idée. Vous plaît. Non, mais Yves Pelletier qui voyage beaucoup, là, est-ce que l'huile d'origan est quelque chose d'utile? J'utilise mon miroir vers Bruno Blanchet, qui est un plus grand voyageur que moi. Alors, l'huile d'origan, Bruno. Qui n'a pas encore été présenté. Merci! Bonjour, bonsoir! Ben oui, parce que. C'est beau chez vous! Merci. Cette année, on va avoir des invités d'honneur à l'émission. C'est quoi des invités d'honneur? En fait, c'est des gens qui vont venir passer toute l'heure avec nous, la deuxième heure du samedi. Des gens qu'on aime. Oui, c'est surtout ça. Oh, ben oui, ben je sais. Des gens qu'on aime. Ben oui. Quand est-ce que ça va commencer, les gens que vous aimez? Ben c'est ça. Ça commence là. Ça commence là avec toi, Bruno. Merci. Ben oui, voyons donc. Et des gens qui nous aiment aussi, on espère bien. Il y en a très peu. Hein. Alors, non, mais il y en a très peu. Oui. Et on va commencer avec nul autre que Bruno Blanchet. C'est pas rien, ça. Bruno Blanchet. Merci. OK, calmez-vous. Bon, du Bruno Blanchet et Olivier Niquet, même combat ici. Hein? On est très content de vous attraper, Bruno, avant que vous retourniez dans votre nouveau pays. Merci. Vous retournez quand dans votre nouveau pays? Je retourne le 1er octobre. Ah, parce qu'on a encore je vais retourner la semaine prochaine, mais mon travail n'est pas fini. Mais c'est quoi le Donc, il reste encore un mois. OK, fait que vous pouvez venir toutes les semaines. J'ai mis de la pression. Non, je l'ai vu il y a deux semaines. J'ai dit, hey, je m'en vais, il faut que tu m'invites. Absolument. On était tellement stressés qu'on a pensé devancer la programmation de Radio-Canada pour l'avoir à notre première émission. Non, c'est pas une blague, on est rendu là, nous. Bruno, on a tous parlé de qu'est-ce qu'on a fait cet été, sauf Yves. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, vous? J'ai fait un pestacle. Ah oui, c'est bien, mon Dieu, on en a parlé. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, vous, Bruno? Combien de temps a duré le spectacle? 90 minutes, Bruno. C'est tout ce que tu as fait avec ton été? Des chansons. On a chanté des chansons. Après que c'était bien, bien bon. On a eu du fun. Alors, on est de retour à Allo Radio. André va recommencer. C'est qu'André va recommencer. Hein? Oui, il m'a dit ça. André, ouais. Ah oui, André, André, le, André, André de Charme. André de Charme. Ouais. Il va recommencer? C'est pour vous autres. J'ai l'impression de vous déranger. Là, je me sens mal. Non, mais qu'est-ce que tu as fait ton été, Bruno? Écoute, Écoute, j'aurais aimé ça arriver avec quelque chose d'excitant, mais cet été, j'ai travaillé dans un bureau 6 jours par semaine. C'est pour ça que j'ai perdu tout mon beau suntan. C'est vrai, Thaïlande. Ça. Comment ça, donc, on perd notre suntan en si peu de temps? Toi qui étais parti pendant des années à t'en recueillir un à chaque jour. Parce que j'ai littéralement passé tout l'été en studio à faire du montage à tous les jours. Parce que j'aime ça, pas parce qu'on m'a forcé. Est-ce que c'est... On aime vraiment ça, faire du montage? On me force à m'habiller en fille, on me force à faire le mime. Est-ce qu'on vous forçait vraiment à vous habiller en fille, Bruno Blanchet? Ben oui! C'était pas vous, ça, qui... C'était pas une petite folie personnelle? Non. En fait, j'ai été démasqué, hein? Ben là... Devant le public! C'est rare qu'on ait une robe qui nous fait apporter de la main, nous, garçons. En tout cas, je vous dis ça comme faut ça, mais... Faut pas se faire! Ah. T'avais la pupille trop dilatée quand tu le faisais. Ah, c'était ça. Non, mais en fait, j'étais un fan d'Anne-Marie Lozic. Les gens ont toujours cru que je me moquais d'Anne-Marie. Ah. Mais véritablement, c'était un hommage que je lui rendais. Je pas de farce. Je l'ai rencontrée. J'ai tenu à la rencontrer avant qu'elle même pense que je me moquais d'elle. Et elle a même joué dans un des sketchs de La Sécheuse. Ah, ça, c'était-tu bon? Elle s'est prêtée au jeu. Et puis, elle savait que... Mais c'était difficile à comprendre que c'était un hommage. C'était mais de la poésie. C'était pas clair. C'était de la poésie. Oui, mais c'était pas clair. Donc, vous avez été occupé pendant tout votre été, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout votre été? À faire du montage? Sur quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Une émission pas pour, qui s'appelle Les vacances de Monsieur Bouddha. Ah, c'est ça. Et une autre émission qui s'appelle Manger le monde. Pardon? Et une Manger le monde... Ça porte confusion. Ouais. Une chose à fois. C'est prometteur. Ouais. J'ai hâte de regarder. C'est à la chaîne Anne-Marie Lozic, ça va être ça. Le canal brun. T'es allé trop loin. OK, non. Les vacances de M. Bruno, qu'est-ce que c'est? C'est un peu... J'ose penser que c'est la combinaison de tout ce que je sais faire à peu près pas pire dans la vie, c'est-à-dire écrire, voyager, me déguiser, m'amuser, rencontrer du monde et apprendre des affaires. Est-ce que ça va goûter comme l'aspic de Jean-Sébastien? Ah, tu vas pas me donner ça. Vous pouvez prendre une gorgée. Hey, je l'ai ici, là. Préparé, hein? Allez, prendre une gorgée. Je peux? Ben, je peux. OK. Allez-y. Alors, de la Eh mon Dieu, la grosse gorgée qu'il a pris! Je tiens à dire qu'on sait quand un aspic est raté. Excusez-moi. Mais je tiens à dire qu'on sait quand un aspic est raté quand on dit prends une gorgée d'aspic. Parce que c'est quoi du jello, ça? Il y a une tasse de jus de tomate de trop. Passe-moi une cuillère. Ah, j'en prends. Vas-y. Laissez-en pour Stéphane Lafleur qui s'en vient dans le coin. C'est très important que chacun puisse y goûter. C'est très, très important. Donc, les vacances de M. Bruno. D'ailleurs, je voyais la description sur votre page Facebook officielle. Vous allez lire toutes sortes de choses et de résumés un peu froufrou sur l'émission qui vise à vous faire croire à une quête intellectuelle, une lueur d'intelligence avec des expressions comme préserver l'identité des peuples, le bulldozer de la mondialisation, et je ne sais pas quoi encore, mais s'il vous plaît, n'en croyez rien. Parce que ça, c'était l'ancien projet, j'imagine celui qu'on a proposé au producteur. Oui, et au diffuseur. Et qui a accepté. C'est ça. Et finalement, sauf c'est que quand tu reviens avec les images... Excuse, on avait oublié ce bout-là. Non, mais c'était... On allait à la rencontre de peuple, effectivement. Tout ça, c'est presque vrai. C'était le projet, je le cache pas. Sauf qu'une fois arrivé sur le terrain, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas du fun en plus? Pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas des sketchs? Puis là, on a essayé de faire participer le monde, les locaux. Puis ça a marché. Ça a coûté cher, là. Ben là, on n'est pas à 50 piastres près. Mm-hmm. 30. Ah, pardon, bonjour. Et ça va être quand et où? Évasion à partir du 11 septembre. Ah, ça va être bon. C'est une belle date aussi. C'est promettant. Attendez un peu. C'est parce que là, vous nous parliez de ça, mais il y a d'autres choses aussi. Manger le monde. Ça, manger le monde, je pense que c'est ce qui est intéressant. C'est aller à la rencontre des peuples aussi. Oui. Pas pour délicieux. Les mêmes activités. Non, mais c'est quoi manger le monde? Ça va être au canal quoi? Zest. Zest, oui. C'est que parallèlement au show de voyage, on a fait un show de bouffe. De cuisine. Ah, vous avez rentabilisé vos voyages? Oui, pas mal. Mais c'est parce qu'en plus, il calculait ça, c'est perdième. Il disait, vous faites un show de bouffe, vous mangez gratis. On n'a pas besoin de vous donner de plus d'argent pour les perdièmes. Fait qu'on a fait un show de bouffe complémentaire au show. Et c'est un show de bouffe qui a un ton qui est complètement différent, je pense, des autres shows de bouffe, parce que l'animateur, il connaît rien en cuisine. Mais attendez un peu, vous avez un resto de poutine. Ouais, mais ça prend pas comme un secondaire 4 pour faire une poutine, je pense. Vous avez pas de secondaire 4, Bruno? Oui, j'en ai un. OK, bon, mais quand même. Il n'y a pas Yves Bolduc aussi qui a un restaurant de poutine? C'est vrai. Ça n'a jamais tué personne, Fred. Ouais, c'est goofy. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Bolduc? Vous allez m'excuser, je suis complètement... Bon. M. Bolduc est notre ministre de l'Éducation, mais d'accord. C'est un médecin. Okay. Donc, il vise plus à nous guérir qu'à nous éduquer. Philippe Couillard, le premier ministre, lui a donné ce ministère-là pour qu'il se casse la gueule et pour pouvoir le tasser définitivement. C'est mon analyse. Ça me semble être une analyse. Il est comme obligé de le faire jouer. Fait qu'il dit qu'il va aller se blesser sur la glace, puis après, on va le mettre dans la chambre jusqu'à la fin de la saison. Ça sent ça, en tout cas. Alors, il a dit que dans les bibliothèques scolaires au Québec, il y avait assez de livres. Pour les enfants. Ouais, j'ai un livre, achète-moi-en pas un autre, je suis correct. Ben non, tant que t'en as un, je sais, tu peux lire les pages. Vous allez rester avec nous pendant toute l'heure, parce que là, on va parler de plein des affaires. Mais ça, c'est quand zeste, ça, manger le monde? Je le sais pas encore. Ah, mon Dieu. Ça va être avril ou est-ce que ça va être accepté? Ou janvier, ça reste à voir. J'ai vu des extraits des vacances de M. Bruno et c'est excellent. Alors, je les conseille à tous. Merci, ça va être assez déjanté. Ce que j'ai vu, c'est déjanté. Ah, bon, c'est toujours bon, ça, des choses déjantées. J'aime beaucoup. La météo. Alors, nous sommes... On l'a dit en début d'émission, nous sommes une émission de service. Ben oui, je comprends, non. Ouais, et on s'est dit que ça serait intéressant de présenter la météo partout au Canada. Ben oui, mais pour y donner une petite twist peut-être intéressante, on s'est dit que ça serait intéressant, parce que tout va trop vite dans le monde d'aujourd'hui, de peut-être donner la météo de ce matin. Comment il faisait ce matin? Ben, c'est pas fou. C'est partout pas fou. Au Canada. C'est pas fou. Alors, dans l'Ouest, il faisait 19 à Vancouver. C'était plutôt nuageux. Victoria, partiellement nuageux, 17. Calgary, 10 degrés. Quand même. Hey, c'est pas chaud, hein? C'est l'automne qui frappe à nos portes. Regina, 13. Saskatoon, 15. Winnipeg, 16 degrés. Encore de la pluie, 50 mm de pluie cette semaine. Ben, là, vous niaisez. Non, il y a eu des inondations. Pour OK, pardon. Nos pensées sont avec eux. Oui. Thunder Bay, 21. Toronto, 21. Beaucoup d'ennuagement. Au Québec, on a 20 degrés ce matin à Montréal. 23 à Ottawa, qui n'est pas au Québec, mais c'est juste à côté. 22 à Québec, la ville. Et là, j'ai ma carte, l'impression, j'imprime mes cartes. Il y a 21 degrés, j'ai pas la ville. Alors, s'il y a des gens ce matin... quelque part au Canada, il faisait 21. Veuillez nous écrire, s'il vous plaît, pour mettre une ville là-dessus. Dans les maritimes, évidemment, c'était beaucoup nuageux. Partiellement ensoleillé à Charlottetown, 19. Saint-Jean, 14 degrés. Iqaluit, 10 degrés. J'ai fait une moyenne également. Et ce matin, en moyenne, au Canada, il faisait 17 degrés. Oh! Wow. Ouais, c'est... Mon Dieu, il y a des gens qui applaudissent pour ça. Et dis-moi, Fred, les résultats du 6-49 au mois de juillet. Vous saviez qu'on voulait donner les résultats du 6-49, oui. Hein, oui. Mais on ne peut pas. Ah non! Non, il faut avoir les droits de ça. C'est vrai, donc juste dire 6-49. Oui! C'est pas une blague, Jean-Sébastien, c'était son rêve de faire la loto banco. On peut dire juste peut-être le numéro complémentaire. Oui, c'était le 4. C'était le 4. Et on ne précise pas la loterie. Non. Ben, je vous remercie énormément. Oui. Mon Dieu, je donnerai peut-être l'extra à la fin de l'émission. Oui, vous le décomposerez à l'envers et à l'endroit. Génial. Jusqu'aux deux derniers chiffres. Notre deuxième invité, Fred. Il ne porte pas de casque, n'aime pas les fusils, mais beaucoup la poésie. Accueillons Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur, qui vient tout juste, en fait, de sortir sur ses écrans Tu dors Nicole, qui est... C'est depuis hier, non? Vendredi? Depuis hier. Tu dors Nicole, son plus récent film, qui est allé à Cannes. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui, franchement. Sauf que là, Stéphane, avant de commencer, je lisais Marc Cassivi qui disait que Stéphane Lafleur est le plus discret, le plus effacé, peut-être le plus humble des cinéastes québécois. Vraiment un bon choix d'invité. Oui, mais c'est ça. C'est la première émission. Là, j'ai eu chaud en tabarouette. J'ai demandé à Yves de rester. Je me suis dit, peut-être bien, on parle d'autres sujets. J'ai vu que je me passais en dernier. Là, non, mais il me disait tabarouette. Mais c'est pas vrai parce que je vous voyais rire depuis le début. Là. Oui, on a fait des petites blagues. Mais en même temps... Vous savez que Jean-Sébastien et moi, on est allé voir Tu dors Nicole jeudi en petite projection privée. Privée. C'est quoi dire? De... Non, mais c'est pas une... C'est une Catherine, ça? C'est... T'as regardé la cabine? Non, mais on voulait la regarder, puis il... Ils donnent plus ça des disques, hein, les compagnies de films. Ils donnent plus ça. Ils ont peur qu'on mette ça sur l'Internet. Oui. Ben oui. Alors, on est obligé d'aller s'asseoir avec plein de monde et puis aller faire ça. Ils t'ont repogné à un moment donné. Ben, ben, tu te rends compte que tu faisais c'est ça niaiseux, systématiquement? Mais j'ai regardé beaucoup de cinéma. Olivier a downloadé beaucoup de films dans sa vie. Oh, je peux pas dire. Non. OK, je suis désolé. Alors, il n'y a rien fait, Olivier. Je suis désolé. De toute façon, vous n'avez pas eu beaucoup de films. Pas les films québécois, de toute façon. Ah, d'accord. Non, c'est ça. Toujours est-il qu'on a vu Tu dors, Nicole. Yves a vu Tu dors, Nicole. Oui. Et moi, la question qui me vient en tête, c'est quoi le trip avec les banlieues ces temps-ci? C'est quoi le trip avec les banlieues ces temps-ci? Parce que dans Tu dors, Nicole, on voit beaucoup la banlieue. Ben, écoute, dans mon cas, j'ai passé la moitié de ma vie en banlieue. Fait que là, je pise la... Ouais, je... Ben oui. Choc, choc, choc. C'est comme les réalisateurs... les réalisateurs espagnols font souvent des films sur l'Espagne parce qu'ils ont connu ça, c'est pour ça. Oui. Merci, Fred. Non, mais pour vrai, c'est un peu ça la réponse. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Y a pas de, c'est pas comme un... Non, c'est ça, il n'y a pas une opinion là-dessus. C'est juste un décor. C'est juste, en plus, il y a de l'espace, fait que ça tombe bien. J'ai besoin de ça pour filmer. 4,5 sur le plateau, tu es bien pogné avec ta caméra. Fait que là, soudainement, il y a une cour, il y a une piscine, il y a une haie. Puis, fait que là, tu as un petit peu de profondeur. Fait que tu peux déplacer tes personnages là-dedans. Mais ouais, ça part de là. Ben, écoutez, on parle de banlieue parce que il y a 1987 de Ricardo Troggi. Qui? Ricardo Troggi. Ricardo Troggi. Mais toujours est-il que dans votre film, il y a un personnage fascinant qui est celui du petit garçon. Je savais. Non, mais il y a plusieurs choses fascinantes. Oui, mais moi, le petit garçon m'a retenu mon attention. C'est un petit gars d'une dizaine d'années. Et dans le film, il a mué extrêmement rapidement. Ce qui fait qu'il a le corps d'un garçon de 10 ans. Mais il a la voix de Fred Savard, ou à peu près. non, mais parlez, Fred, moi. Bonsoir. C'est vrai que j'aurais pu prendre Fred, en fait, pour faire la voix. J'en ai ça, puis il y a besoin mais de ça pour c'est ses pas juste mois. La voix, c'est aussi c'est la voix, mais c'est la maturité, exactement. C'est le discours aussi. Il devient un peu le narrateur du film, hein, à quelque part. Mais il devient un peu l'espèce de maturité du film, parce que cette fille-là de 22 ans, c'est pas trop où elle s'en va dans la vie, alors que lui, il y a des convictions sur l'amour, il y a des convictions sur la vie, il y a une vision de la vie, c'est déjà où il va être dans 30 ans. Et je trouvais oui. Mais non, mais je trouve ça intéressant parce que justement, dans ce film, avec une ligne assez... il se passe rien d'extraordinaire, sauf que dans ce film-là, il y a ce personnage-là qui sort complètement de l'ordinaire. Pourquoi? C'est quoi cette idée de rentrer un personnage qui se peut pas, en fait, ou à peu près pas, je veux dire, à moins d'un grave problème? Je veux dire, tu peux pas avoir une voix de même et un petit corps comme ça. Ben j'aime cette idée-là de marier, justement, l'ordinaire, le commun, le connu, à quelque chose d'un peu fantaisiste. Je trouve que le cinéma, c'est une belle plateforme pour ça, c'est une belle place pour flyer un peu. Et d'ailleurs, c'est un thème récurrent dans tes films. Oui. Tout le temps l'impression que on est sur une autre planète. Puis en même temps, c'est extrêmement québécois. Oui. Dans les dialogues, dans les situations. Mais à un moment donné, il y a tout le temps des petites touches, comme justement cette espèce de personnage-là qui s'exprime avec une voix totalement grave. Et c'est ce qui fait l'humour aussi de ce film-là. Ben c'est ça, parce que la première fois qu'on le voit, on rit. Oui, ça étonne, ça surprend, mais rapidement, la convention, elle fonctionne. On oublie cette espèce de dichotomie-là et ça marche. On est touché. Je pense à la dernière scène où il s'appuie sur sa gardienne. C'est pas le point. Mais non, il n'y a pas de point. Voyons, non, vous n'avez pas vu le film, tu sais. Il y en a des punchs. C'est pas parce que c'est joué, c'est comme une partition. Même si tu la joues doucement, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de profondeur. Ben non, je veux dire, il y a des affaires extraordinaires dans ce film-là. À un moment donné, tu peux faire un film où les gens crient, les gens se déchirent, tu mets de la musique, des gros violons, des effets spéciaux, puis les gens vont dire « Ah, mon Dieu, mais j'ai été transporté! » Je trouve... Moi, j'ai été transporté par le film de Stéphane, mais ça, j'ai été transporté doucement. Mais il n'y a pas de punch. Hein? Mais il y en a des punch. Mais je ne dirais pas les punchs. Parce que t'es parti avant la fin, mais c'est la fin. Là. Je suis resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non seulement ça. C'est juste parce que t'aimes la planète des singes, puis c'est tout. T'es allé voir les Guardians of the Galaxy, puis c'est ça que t'aimes. C'est vrai que tu parles de ça. J'ai vu le premier film de la planète des singes il y a comme une semaine et demie. J'ai adoré ça. Mais le premier nouveau, le premier premier? Non, le premier avec Charlton Heston. Moi, je pensais que j'avais déjà vu ça, mais je pense que c'est... Vous avez désintégré le cerveau. C'est incroyable. C'est magnifique comme film. Ben, en parlant de vieux films, c'est en noir et blanc, Tu dors, Nicole. Oui. Et effectivement, au début, quand ça commence en noir et blanc, tu te dis toujours, bon, ben, je pense qu'ils sont trompés dans la projection. Ils vont mettre la couleur éventuellement. Mais non, mais c'est ce qui arrive quand on donne un show à un Y. Ça donne des entrevues comme ça. Ah, mon Dieu. Je suis tellement mal à l'aise, là. Ouais. Non, mais au début, tu le sais pas. Hein? Au début, tu penses que c'est un effet, puis tranquillement, ça va se transformer en couleur, ou je sais pas. Puis on est... C'est vrai! Mais c'est vrai! Puis... Ouais. À la fin, tu te rends compte que l'image est extrêmement coloré malgré que ce soit en noir et blanc. Et puis, je pense que c'est ce que Marc Cassivi disait. On n'a jamais vu autant de bleu dans la banlieue que dans ton film en noir et blanc. C'est une belle qualité, ça, j'imagine. Mais pourquoi, a priori, vouloir le noir et blanc? Parce que c'est beau. Parce que, mais aussi parce que ça apportait... Ben, de un, l'idée de filmer l'été en noir et blanc, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, d'éviter les couleurs saturées. Là, on a le soleil qui plombe là, en ce moment, dehors. Là. Puis d'éviter ces couleurs-là, puis d'essayer de trouver la chaleur d'une autre façon, en fait, qu'avec la couleur, les couleurs bien saturées, puis tout ça. Puis aussi donner un côté un petit peu intemporel. J'aime toujours ça, pas savoir en quelle année mes films se passent. Ça, exactement. Il y a ça, parce que là, vous dites que votre comédienne principale a 22 ans. On n'a pas été capable de savoir... C'était difficile de placer votre comédienne dans le temps. C'est-à-dire que je me demandais si elle n'avait pas 17, ça n'avait pas comme... 18. Ou 18. Malade. Mais cette espèce de... J'avais envie de parler un peu de ce trou-là entre l'adolescence puis le moment où tu te dis « Je veux-tu des enfants? » Jean-Philippe est encore là-dedans, là, ça fait déjà 12 ans. Donc, cette espèce de trou-là où on ne sait pas trop où on s'en va, en fait. Je vous ai lu, et à plusieurs reprises, vous avez dit de ce film qui était votre plus accessible, commercialement accessible aussi. En quoi ça fait que ce film-là est très accessible, honnêtement? Mais honnêtement, je pense à cause du sujet, à cause de la période de la vie auquel ça s'intéresse, tout le monde est passé par là. Tout le monde, tu sais, je veux dire, les filles vont voir ça. Je pense que ça dépend quand même c'est quoi l'amitié entre filles versus et la rivalité entre filles, les petits coups de coude, les petits canifs, les petites jambettes, la jalousie, c'est ça. Puis en même temps, l'amitié. À quelque part, on a tous eu l'impression d'avoir vécu cet été-là. Non? Je pense que oui, ouais. Peu importe si t'as 22 ou à 17 ou à 34. Tu portais des robes, là, c'est ça? Je tombais en amour avec le drummer. Ma sœur avait un groupe. Je tombais en amour avec le drummer. Mais c'est ça qui s'est passé. Ce qui est aussi détonnant, Stéphane, c'est de quelle façon un homme dans la trentaine dépeint l'univers féminin de jeunes filles de cet âge-là. Puis je pense que la critique a beaucoup nommé ça. Comment vous avez fait pour restituer aussi justement cet univers-là, en fait? Mais je pense que là, je vais rentrer dans des clichés, des généralités, mais j'ai l'impression que les filles se livrent un peu plus sur ce qu'elles vivent. Fait que si t'es à l'écoute de ça, tu peux ramasser ça et prendre des notes et mettre ça dans des films après. Mais on est un petit peu plus conscient de ce que les filles se font entre elles et des blessures qu'elles se font subir, en fait. J'ai l'impression... Les hommes, c'est vraiment des généralités, là, évidemment. Mais il y a des cas de figure différents de ça. Là. Mais il demeure que, par exemple, Marc-André Godin, là-dedans, est très lui. C'est-à-dire que, tu sais, il joue le jeu, justement, des émotions qui sont en dedans de lui. C'est très gars, puis là, il s'ostine avec le drummer, puis tu sais, c'est un peu ce que tu mets en exergue. Puis moi, ça me fait rire, parce que tout le long du film... Je m'imaginais en train de revivre des scènes que j'ai déjà vécues, ben des fois. Puis, à la fin, quand la petite fille tombe en amour avec le drummer, moi, j'étais convaincu que ça allait finir ensemble. Tu sais, qu'elle allait finir ensemble. Je m'attendais à une belle fin d'histoire, moi. Puis, comme j'étais là, ah, ils vont finir par sortir ensemble, ils vont coucher ensemble, ça va être le fun. T'sais. Finalement, papa en tout, il est peut-être là le punch. Et je suis désolé, je l'ai volé. Aïe, aïe, aïe, aïe. Une chance que ton émission n'ait pas écoutée, parce que là, sinon, écoute, là, je me sens pas mal. Tu aurais gâché le plaisir de tant de personnes. Mon Dieu, je suis désolé. OK, là, on parle de quelque chose rapidement, parce qu'avec podcast, on trouve que ça fait longtemps. Vous avez sorti un album avec de cette chanson. Ça fait longtemps. Ben, cette toune. Ben, j'ai eu le temps de faire un film entre temps, là. Ben non, je sais, mais c'est quand même. Toi? C'est... Ouais. Des émissions de TV et de la radio. Mais c'est quand un album de 12 tonnes avec des tournées avec podcast? Ben écoute, là, ça fait. On a arrêté en novembre dernier. Ouais. Là, mon devoir, là, la to-do list, c'est écrire des tunes. Peinture à clôture, puis faire la vaisselle. Mais, fait que dépendamment dans quel ordre je fais ça, là, à un moment donné, il va y avoir des tunes, puis on va faire un disque, oui. OK, c'est un projet. Vous restez avec nous pour le reste d'heure? Bien sûr. OK, génial. Parce qu'on a un petit hommage pour Tudor Nicole. Ah. On a fait un petit sketch. Une petite bande-annonce. Une petite bande-annonce. Inspirée de Tudor Nicole. Ouais. Elle croyait vivre un été tranquille. La Sûreté du Québec reste sur un pied d'alerte près de 24 heures après la spectaculaire évasion de trois dangereux criminels qui ont quitté les murs du centre de détention de Québec à bord d'un hélicoptère. Elle s'est fait pas mal varloper. Ce qu'il va relever la ministre de ses fonctions, qui n'a de toute évidence plus aucune crédibilité. Elle s'est faite pas mal silencieuse depuis. Et voilà la scène qui s'offrait aux élus de l'eau. l'Hôtel de Ville de Montréal en début de soirée. Du vandalisme, des gestes d'intimidation, des banderoles et beaucoup, beaucoup de bruit. Mais son automne risque d'être encore pire. Je vous vois voler l'argent des contribuables! On vole pas l'argent des contribuables, c'est à nous autres! Appelez la police! Madame, tu me déconcentres, c'est nous autres la police! Bientôt sur vos écrans, tu dors, Lise. Ben voyons, on a encore une chanson. Jukebox. On entend le Wurlitzer. Le quoi? Une sorte de jukebox. C'est apparu avant que vous soyez au monde. Alors, non, ça m'intéresse pas. Et voilà. Oui, mais ben, on a eu le rappeur Chic en première heure. Et évidemment, c'était pas la première chanson rap au Québec. La première chanson rap, c'est 1983 avec Lucien Francoeur, évidemment, le Rapabilly. Oui. Là, j'exclus l'album de Péloquin Sauvageau, de Claude Péloquin, au début des années 70. Ouais. C'était un peu du rap, mais le rap n'existait pas nulle part. Alors, c'était difficile de le dire. Et malheureusement, on a juste 2 heures à l'émission, on ne pourrait pas s'étendre là-dessus. Alors, on s'est dit, on va présenter une chanson que les gens connaissent. C'est un immortel, à mon avis, de la chanson québécoise. Moi qui ai DJ des fois à l'occasion dans des petites partous, des fêtes... Les gens rient, c'est vrai, ça fait 25 ans que je fais ça. Mais tout le monde fait ça, voyons. Mais non, pour vrai, on m'engage, j'ai déjà été payé pour faire ça. Et mettre ça, le Rapabilly, c'est un succès instantané sur une piste de danse. Mm-hmm. Et ça nous fait plaisir de l'offrir à nos auditeurs et aux gens qui sont ici maintenant. Le Rapabilly de Lucien Francoeur, 1983. On écoute ça. Hey, c'est-tu bon, cette chanson-là? Elle est pas longue, cette chanson-là. Ben là, elle est interminable, cette chanson-là, vraiment. Évidemment, un Y, aucune capacité de concentration. Yves est en train de fondre avec ses écouteurs. C'est le nouveau matériel de ICI Radio-Canada qui est en train de me fondre sur la tête. Ben oui, on est désolé, hein? On vous remboursera votre oreille. Des écouteurs en aspic. Bruno, on a des questions d'auditrices ou d'auditeurs, là. C'est dur à dire, Zougandi. Gandhi. On va l'appeler elle. OK, ben parfait. Est-ce que Bruno travaille sur un nouveau livre? Pas encore, non. Ah, ben là, vous avez une acheteuse, là. OK, ben oui. Okay. Oui, bien sûr. OK, bon, il travaille en sur un nouveau livre. C'est une biographie, je l'ai appelée la Brunographie. Est-ce que ça va être le vrai nom de votre biographie? Oui. Ah, ben c'est super bon, ça. Oui. Bon. Deuxième question. Quel est son nouveau pays? Ah, ben, les gens ne le savent pas. Ce moment, c'est ici. Ça va être la Thaïlande à partir d'octobre. Après ça, je sais pas. Je sais pas, cette année, je suis tombé en amour avec le Vietnam, puis j'ai quasiment envie d'y retourner. Il adore la poutine là-bas, hein? Oui. Vous voulez pas parler? Non, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je veux savoir où il habite quand il est à Montréal. C'est-tu comme il prend du Airbnb? Ah ben oui. Je vais être sans domicile fixe à partir du 1er septembre. S'il y a quelqu'un qui a une chambre chez eux quelque part, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Ah, il y a droit. Bon? Mon Dieu, parfait. Bon, ben, coudonc, vous chicanerez pour Bruno. Vous ferez de la garde partagée pour Bruno, pire, messieurs, dans le. Pauvre monsieur, il sait pas, il sait pas ce qu'il veut. Ben oui, c'est des messieurs qui ont levé la main. J'imagine que c'est vos sports, ça, Olivier? Je sais pas pourquoi les boules de quilles. C'est un sport. Avez-vous déjà parlé de sport? Bon, c'est encore des sports. Olivier, deux fois dans la même émission, votre enregistreur numérique va brûler. Émission de service, on parle de sport. Allez-y. Ben, d'abord, les Alouettes jouaient hier et ils... on dit-tu ils ou elles? Mais c'est dur, je sais pas là. En tout cas, ils ont perdu 24-16 contre les Blue Bombers de Winnipeg. Et Fred me disait tout à l'heure que le titre du journal de Montréal, c'était « Les Alouettes en rase-motte ». Oui, parce qu'ils perdent souvent. C'est ça. Mais c'est quoi le... C'est pas une grosse... C'est un oiseau en rase-motte. Oui. Ah, bon. Pas une grosse saison pour les Alouettes. Là, on dit qu'ils pourraient avoir la pire fiche depuis les Concordes de Montréal en 1982. Moi, je ne savais pas c'était qui. Mais en fait, c'est les Alouettes qui ont changé de nom pendant 4 ans. Oui. Ils jouaient au stade. Oui. Devant 4 personnes. Oui. C'est ça. C'est en même temps que le Manic. Qui joue au stade aussi, devant 50 000 personnes. Il n'y a pas une règle que quand il y a moins de personnes dans le public que sur la scène, tu annules le show. Non, t'en parles juste pas. Mais de toute façon, on va commencer par ce qui est dans le feu de l'action, de l'actualité cette semaine, c'est-à-dire Canadien, évidemment. Parce que Canadien, c'est toujours, toujours d'actualité. Un été chaud pour le Canadien qui a été marqué par la signature d'un exorbitant contrat pour Piqué Subban qui gagnera 72 millions sur 8 ans. C'est-tu trop, selon vous, Jean-Sébastien? Non. Non, c'est bon. Sachez que c'est pas mal, en fait, le dernier rempart qu'on a contre le communisme, le hockey, comme l'explique Régent Tremblay. Le hockey, là, c'est ce qui reste de capitalisme au Québec. Ah oui, ça, c'est vrai. Non, mais moi, une seule autre chose capitaliste au Québec. C'est, hein? c'est, C'est tout. Et voilà. C'est tout. En fait, comme l'expliquait Ron Fournier, vous devriez être content parce que Subban, là, il va faire rouler l'économie. Il va empocher ses millions, il va s'acheter une grosse maison, il va se faire une nouvelle blonde, ben oui. Il va se marier, il va avoir des enfants, il va faire des voyages en première classe. Et oui, puis en plus, il va faire vivre deux réseaux de sport presque entièrement consacrés aux Canadiens, et ça, c'est pas rien. D'ailleurs, je vais les suivre, ces deux réseaux, pendant la saison. Sinon, j'ai d'autres oui. nouvelles de sport. Ah, ben, j'espère oui. bien. Le Grand Prix de... Oubliez jamais de tourner votre page. Quand vous faites une chronique, c'est bien important. Je suis habitué avec un iPad. La partie sport. Je suis habitué avec un iPad, que voulez-vous. Sinon, il y a un Grand Prix de Formule 1 demain matin en Belgique. Ah. C'est à 7h50. C'est l'Allemand Nico Rosberg qui partira en pole position à côté de son coéquipier Lewis Hamilton, avec qui il s'est d'ailleurs chicané récemment. Ça, c'est pas drôle, les chicanes entre collègues. Hein, ça me fait penser à notre bureau. Mais moi, quand même, j'ai arrêté de suivre la Formule 1 quand Jacques Villeneuve est parti. Il était d'ailleurs au Grand Prix de Trois-Rivières cet été où il conduisait une voiture aux couleurs de Saint-Super Barbecue. Et je pense qu'il a fait une coupe de livraison de Familial 4 pendant la course parce qu'il a fini parmi les derniers. Mais au moins, il en a profité pour nous parler un peu de son ami Bernie Ecclestone, accusé de corruption et connu pour avoir, entre autres, déclaré qu'Hitler était un gars bien efficace, mais qui s'est un petit peu laissé emporter. En tout cas, selon Jacques Villeneuve, il serait désastreux qu'Ecclestone quitte la F1. C'est une tyrannie, mais c'est une bonne tyrannie. C'est pas la démocratie en sport automobile, en sport en général, ça peut pas marcher parce que tout le monde veut des choses différentes. T'as des constructeurs, des commanditaires, t'as de l'argent et chacun ne veut pas le bien du sport, mais chacun veut le bien pour soi-même. Donc, c'est une tyrannie, mais une tyrannie payante. Une tyrannie payante est nécessaire pour tout le monde parce que tout le monde se rince au passage. Eh oui, tout le monde se rince au passage, puis après, il déménage à Andorre, comme Jacques Villeneuve. Hey, c'est un philosophe, ce gars-là. Quand même, hein? Moi, je tiens à dire que je ne me suis pas beaucoup rincé grâce à la Formule 1, non. Je travaille. Désolé. Sinon, l'Impact joue ce soir à 19h contre le Red Bull de New York. Ils ne sont pas très bons cette saison, l'Impact. Ils sont même pourris. 4 victoires. Mais avec leur nouveau joueur désigné Ignacio Piatti, je le dis sûrement bien, ça commence à se replacer. Son surnom, c'est Nacho. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il aime les nachos. Oui, c'est ça. Avant chaque match, il se clenche un siot de nachos du fromage orange avec de la salsa piquante. Mais c'est une blague ou c'est une vraie information? C'est une blague. Ah. Et, est-ce qu'on a le temps pour la petite pensée de Michel Baudry? Oui, allez-y donc. Alors, j'ai trouvé ça bien cute ce matin dans le Journal de Montréal. Belle météo pour faire de la moto marine. Le temps est si doux. Ah. Hein? Pas pire, hein? Ah. Si doux, moto marine. Donc, c'est ça. C'est un scripteur qui coûte pas cher, ça. Non. OK, on a envie de parler de culture à la soirée T'es encore jeune cette année, non seulement parce qu'on en a en tabarouette, ben pas moi, mais les autres, mais parce qu'on a quand même 4 heures de radio par semaine. Alors, dans ce segment... On l'oublie, hein? Ben ça, non, on le sait. Dans ce segment qui s'intitule « Vu, pas vu », deux membres de l'équipe vont parler d'un événement culturel. Ils vont faire une critique qui d'une pièce de théâtre, d'un film, d'une émission de télé. Toutefois, une personne l'a réellement vu et l'autre non. Mais on ne dit pas c'est qui. Et personne ne le sait, à part ces deux personnes. Oui. Hein? Alors... Même à ça. On n'est même pas sûr entre nous qui l'a vu et qui ne l'a pas vu. C'est un peu le jeu trouve le bullshiteux. Hein? C'est un peu l'idée. Okay? Donc, vous reproduisez la réalité. Exactement. Oui, tu as raison. On a envie de savoir jusqu'à quel point on peut parler de quelque chose sans être capable d'en parler parce qu'on ne l'a pas vu. Ben oui, lire et communiquer en ondes, c'est très facile. Oui. Alors, cette semaine, Fred Savard et Jean-Sébastien Girard ont vu ou pas le film 1987 de Ricardo Trogi. Trogi? Oui, voilà. Trogi. Trogi, pardon. Trogi. Ben oui. Et donc... C'est une des blagues. Il rentre dans le film, d'ailleurs. Et dans l'autre d'avant. Dans les deux. Pour ceux qui l'ont vu. Oui. Alors, débattez pendant 5 minutes, mes amis. Voilà. Donc, évidemment, 1987, je peux pas dire, Jean-Philippe, que je suis allé voir ce film-là au pas de course. J'avais trouvé... Non, mais pour vrai, j'avais aimé le premier film, 1981. Ouais. Uh-huh. Évidemment, comme tout le monde, j'avais vécu un beau trip de nostalgie, retrouvé les situations, la musique, les objets de mon enfance. C'était un film que je trouvais divertissant, mais que j'ai pas trouvé transcendant sur le plan cinématographique. 1981. Okay, donc, je me disais, est-ce que c'est pertinent d'avoir une suite maintenant que l'effet de surprise est passé? Ouais. Or, oui. J'ai absolument été confondu. Pour vrai, non seulement ce film-là, évidemment, est plus abouti, plus intéressant que le premier, mais c'est assurément le meilleur film de Ricardo, évidemment. Alors, rapidement, pour la petite histoire, vous pourriez. Alors, évidemment, on est dans l'autofiction de la vie du réalisateur. On est en 1987. Ricardo vient de finir son secondaire 5, et là, on est dans les quêtes propres à cet âge-là. Ben, réussir à entrer illégalement dans les bars, avoir un char, s'amuser avec des amis, perdre sa virginité. Donc, évidemment, une proposition très simple. Et là, j'ai envie d'employer le cliché ultime de la chronique culturelle, mais c'est vrai. C'est un film qui rend heureux, qui rend de bonne humeur. Pendant 2 heures, t'as le gros sourire accroché au visage parce que tout fonctionne dans ce film-là. C'est un film qui est beaucoup plus cinématographique que les autres films de Ricardo, bien construit. Alors, est-ce que tu as un argument? Quelle scène en particulier tu trouves qui est plus... quelle scène? Je peux bien vous dire la 3e et la 7e. Alors, soit il fait semblant, mais je suis chez lui. Ah ouais, hein? Qui l'a vu ou qui l'a pas vu? Ben, je sais pas. On va faire un tour de table. Peut-être qu'il joue double jeu. Bon, je sais pas. Il joue double jeu, il fait semblant. Ben, écoutez, moi, j'avais aimé 1981, justement, par le côté nostalgique. Mm-hmm. Ça se passait aussi, il était plus jeune, c'était au primaire. Fait qu'il y avait un côté cute, en fait, je pense, un petit peu plus intéressant. Bon, on découvrait la mère, on découvrait le père. Le père qui est hallucinant. Laissez parler, Le père qui était plus absent dans 1981 et là qui est beaucoup plus présent en 1987. Il a des scènes très émouvantes. Jean-Sébastien, pardon. c'est très agressant. Bon. En même temps, ça me permet de combler du fait que peut-être que je ne l'ai pas vu. Hein. Mais moi, j'ai trouvé, au final, je me suis emmerdé assez rapidement dans ce film-là. Évidemment, c'est un film d'été. Je ne m'attendais pas à avoir une grande réflexion sur la vie en général. Et j'ai trouvé le personnage de la mère et dans les critiques qu'on a lues pour se préparer. Hein, on l'a beaucoup encensé. Moi, j'ai trouvé que ça devenait très redondant et même agaçant, ce côté hystérique. Criard. Et moi, ce qui m'a frappé rapidement, c'est que ça sacre énormément dans ce film-là. Là, je sais, je vais avoir là du bigot qui aime les films où ça sacre pas trop. Ça me dérange pas. Un asti ou un calice de temps en temps, c'est pas grave. Mais là, il y en avait beaucoup. Je me disais, coudonc, parce que moi, c'est un peu ma génération. Est-ce qu'il y en avait tant que ça? Est-ce que je sacrais comme ça en secondaire 5? J'ose croire que non. Et au bout du compte, j'ai trouvé que ça finissait par être une espèce de film prétexte à laisser le directeur artistique nous montrer des objets de 1987. Et pour ceux qui ont vécu cette époque-là, dont moi, c'est pas une super époque à se remémorer. La musique était pas bonne, les objets étaient pas beaux, on n'était pas beaux, nos coupes de cheveux étaient pas beaux. Mais Fred, mais le film. Oui, le film. Ben oui, mais c'est okay. Ça. Il y a des beaux flashs, mais en même temps, ça se passe à Québec. Puis Québec, ben c'est Québec. Hein. On aime, on n'aime pas. Et j'ai vécu deux fois à Québec en passant. Okay, et je salue les gens de Québec, pour ceux qui sont toujours à l'écoute. Mais le film est intéressant, c'est pas mauvais. De toute façon, Vox Populi, Vox Dei, il y a 1 million d'entrées au moins qui sont allées. Donc, ça... Bon, oui. Messieurs. Oui. Déjà fini? J'espère que c'est pas fini. Mais non, j'ai des petites questions quand même. Vous êtes allé avec qui, Fred? J'étais allé avec ma copine. Ouf! Je n'ai pas connu cette époque-là. OK, d'accord. Ouais. Jean-Sébastien, quel cinéma? Je suis allé seul au cinéma Beaubien, qui était anciennement le cinéma de Dauphin. OK, c'est beau, c'est correct. Enfin, vous savez, Jean-Philippe, que c'est peut-être une stratégie pour nous débusquer, mais je pourrais tellement dire que j'étais allé avec ma mère au cinéma Guzzo, whatever. Voyons donc, les gens sont plus perspicaces que ça. Oui, je pense qu'ils sont assez. On va faire un tour de table rapide. Bruno? Moi, j'aimerais ça musicalement, savoir qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette époque-là en termes de musique. Est-ce qu'il y a une chanson que vous retenez en particulier? Oui. 1987. Non, allez-y. Il y a certaines chansons qui disaient absolument rien, vraiment. Et je vous dirais que, et ça c'est peut-être la faiblesse, ou en 81, il y avait-tu des chansons des années 80? OK, mais on n'a pas le temps de faire... J'avoue que ça m'a pas frappé. Je me souviens de Let's the Plains, de The Brothers, qui clôt le film sur le générique, qui est une chanson que moi j'écoutais, j'étais un petit peu plus... OK, mais c'est super intéressant, mais on va retenir ça, on en parlera peut-être demain ou après l'émission. Stéphane Affaire, qui a vu ou pas vu? Moi j'ai vu le film, mais je sais pas dire qui bullshit. sont vraiment bons. Yves Pépeltier? Oui, c'est ça, je me demande, Fred avait l'air d'alterner entre une Sophie Durocher et... Tu faisais des citations de certaines critiques que tu avais lues, puis toi, on dirait que tu jouais un petit peu low profile, tu sais, genre, il n'en dit pas trop. Donc, j'hésite. Je dirais que les deux ne l'ont pas vu. OK, alors, on va demander au public dans la salle. On va demander au public dans la salle. Alors, qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu 1987? Applaudissez. Oh mon Dieu. Qui croit que c'est Frédéric qui n'a pas vu 1987? Ouch. Alors, ouch. Qui n'a pas vu 1987? Je n'ai pas vu 1987. Je tiens à dire, j'ai pas fait exprès pour être flou. C'est pas le film qui m'a transporté, mais bon, c'est amusant. Puis je comprends, je comprends que ça fonctionne, mais... Moi, j'ai adoré. Yves Pelletier, j'aime tous les films. Non, j'aime pas tous les films. J'adore le cinéma de Ricardo Troggi. C'est un gars qui est authentique. Ça, donc, c'est vrai. Il va pas se lancer dans de l'esthétisme. C'est lui à la puissance brute. Lui, les films en noir et blanc, il fait pas ça. Tout est possible dans le monde. Toutes les formes d'expression sont possibles. Oui. Et il y a des gens qui sont sensibles à ces formes-là diverses. Mais effectivement, je pense que dans ce film-là, oui, sur les scènes entre le père, il y a des moments extrêmement... Mais non, mais les gens à aller le voir. Vous ne l'avez même pas vu. Alors, c'est 1 à 0 pour Fred Savard. Yeah! On fait de la comptabilisation. Je vous ai bien ici. Ah, mon Dieu! On le répète, on est une émission de service. Tout à fait. Et on aime la culture. On s'est dit, ce serait le fun de parler un peu des spectacles qui se déroulent au Canada cette semaine. Hein? Non, mais oui, écoute. D'un coup qu'on va y aller. Donc, 24 août à Montréal, Métropolis, Alice in Chains, un groupe qui n'était pas très bon en 91, imaginez aujourd'hui. 25 août, Robin et Royksopp au TD Echo Beach à Toronto. Oh, ça, c'est bon, ça. Pour les... Ah oui? Pour les... Oui. C'est excellent. Là. Oui, oui. Ah. En spectacle, c'est débile mental. Et c'est un groupe norvégien, donc c'est extraordinaire, le modèle scandinave. Et Echo Beach, pour les gens qui s'en rappelleront, c'est un succès du groupe Martin the Muffins au début des années 80, mm-hmm. qui était un groupe canadien. 27 août, Linkin Park au MTS Center de Winnipeg. C'est le fameux Carnivore Tour. Alors, Linkin Park et MTS, ça fait toujours des belles soirées. 28 août, Jack White au Deer Lake Park à Burnaby, en okay. Colombie-Britannique. 17h30, c'est 76,75 $. Ouais. C'est tout à fait véridique. Pour aller voir Jack White, qui, on le sait, est un peu le Stéphane Dufour des anglo-saxons. De quoi? Vous connaissez pas Stéphane Dufour? C'est le guitariste de Éric Lapointe. 29 août, Arrival 2014, gros rave en fait avec, ça c'est au Shaw Conference Center d'Edmonton. Il va y avoir Martin Garrix, Dioro, Will Sparks, Matthew Coma et Afrojack qui est, selon Forbes, le 6e DJ le mieux payé cette année avec 22 millions de gains. Et on termine avec, évidemment, à Québec, Clutching at Straws, un gros hommage à Marillion au Nouveau Colisée. OK, bon. C'est mercredi soir. Merci énormément, Fred. Ça va être bon, ça. Jean-Sébastien, on termine l'émission avec vous. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane Lafleur? Malheureusement, j'ai seulement un courriel pour Stéphane Lafleur. Je suis un peu embêté. Qui nous vient d'une Lucie Dionne qui nous écrit, c'est qui ça, Stéphane Lafleur? Donc, je sais pas trop comment combler le temps qui nous reste à l'émission. C'est le fils Jean-Philippe qui l'appelle. Oh, attention! Jean-Philippe, ouais, elle vient... Ce n'est pas un bombardement. Non! Elle vient de retentir. C'est la sonnerie qui va nous indiquer à n'importe quel moment durant l'émission ouais. que c'est le temps de faire... La blague de la semaine, ah, mon Dieu, que c'est le fun! Voilà! Alors, mais qui va la faire? Ben, aujourd'hui, ça peut être moi. OK, d'accord, allez. Alors, voilà. Alors, c'est une femme qui, pour son 50e anniversaire... On rappelle, c'est une émission de service. Absolument. Et voilà. Faire rire, c'est un service. Alors, c'est une femme de 50 ans qui décide de s'offrir un lifting pour son anniversaire. Ouais. Elle est très satisfaite. Elle décide d'aller se promener pour vérifier si son lifting fonctionne bien. Ben oui. Donc, elle s'en va dans une épicerie. Elle va voir l'épicier. Elle dit, monsieur l'épicier, quel âge vous pensez que j'ai? Ah. Alors, l'épicier me dit, mon Dieu, madame, je vous donne tout au plus 32 ans. Elle dit, monsieur, j'ai 50 ans. Ah ben. Elle sort resplendissante de l'épicerie, elle s'en va au bureau de poste. Ouais. Elle fait la ligne pour s'acheter un timbre. Ben ouais, elle va voir la postière. Un timbre. C'est une vieille histoire. Oui. Elle s'en va voir la postière. Elle dit, madame, vous pensez que j'ai quel âge? Ouais. La postière me dit, mon Dieu, vous avez tout au plus 40 ans. Ah, elle dit, j'ai 50 ans. Arrêtez donc. Elle s'en va triomphante prendre l'autobus. Ouais. Elle s'assoit à côté d'un petit vieux. Elle lui dit, monsieur, quel âge vous pensez que j'ai? Ouais. Le monsieur dit, mais ma pauvre madame, j'ai 90 ans, j'entends rien, je vois rien, je peux rien faire. Il dit seulement, j'ai un vieux truc. Si je mets ma main dans votre soutien-gorge, je peux vous dire l'âge que vous avez. Franchement. Elle dit, ça me semble incongru, mais pourquoi pas? Alors, le monsieur met sa main dans le soutien-gorge de la madame. Le monsieur dit, madame, vous avez 50 ans. Ben voyons donc. Elle fait, ben voyons donc! Comment ça que vous l'avez su? Il dit, madame, je suis en arrière de vue au bureau de poste! Mon Dieu! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Ça nous manque l'époque des bureaux de poste. Tout ce qu'on perd, hein? Oh, en hommage à Jean Héroldi, ça me plaît. Je le sais bien, c'est donc bien le fun, ça. Hey, c'est déjà tout pour notre première émission de la même fun de la soirée. Ben oui, merci à nos invités. Merci Bruno Blanchet d'être venu. Merci, bonne chance. Ah, le reste de la saison. Ben oui, mais... Là, vous allez revenir, là, parce que vous partez juste au mois d'octobre. Bon. Oui, ah, mon Dieu. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine quasiment. Super. On va se faire des rencontres comme ça. Stéphane Lafleur, merci. On va voir Tudor Nicole sans arrêt à tous les cinémas. Grand partout. Plaisir. Merci. Je suis là demain. Demain aussi. Parfait, puis la semaine prochaine. Ah oui, OK, parfait. Ben, écoute, on va se faire des tours de table. On n'a pas nécessairement besoin de Fred Savard toutes les semaines. Non. Yves Pelletier, on achète votre nouvelle BD, s'il vous plaît. Le pouvoir de l'amour et autres veines romances à la pastèque, le dessin de Iris Boudreau. Et je suis porte-parole du World Press Photo. Et c'est quand ça? C'est au marché Bon Secours à partir du 27 août. Donc cette semaine. Ça commence cette semaine. Et puis, ça coûte combien, bien? Parce que je me fais un petit peu. Je m'en souviens pas parce que je ne suis pas encore rentré. Ah, vous n'êtes pas encore allé? Je ne suis pas encore allé, je ne connais pas le prix des billets. Ah, ben merci beaucoup, Yves Pelletier. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine aussi? Ben oui. OK, parfait. Ben, on va se faire un gros parti. On a une équipe régulière, là. Je pense qu'on est correct. On se fera un aspect. Oui. Prenez-en à ma gorgée, à ma santé, pardon. Oui, Olivier? Oui, je voulais juste dire que sur Twitter, là, il y a eu un tweet récemment qui disait que la soirée is now trending in Montreal. Moi, le monde, ils n'ont pas grand-chose à faire en ce moment. Ben voyons donc, vous êtes donc bien médisant sur nous. Non, mais on a vraiment beaucoup de bons commentaires, surtout envers Jean-Sébastien. Mon Dieu, franchement, sinon, ben fin ça. Ben merci beaucoup, merci au public qui sont venus nous voir, évidemment, qui est venu nous voir. Écoutez, c'est la première émission, on en a une autre demain, on en a 80 à faire d'ici la fin de la saison. Ben oui, je vous le dis. Merci à toute l'équipe, merci à Marie-Hélène Gauthier, Marie-Hélène Girard, Guy Charbonneau, à la technique, Philippe Roberge, Martine Hippolyte. On se revoit demain et profitez de votre soirée qui est encore jeune.